Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir. À vrai dire, on ne pensait pas qu'on allait se retrouver dans un amphi avec plus de 200 personnes, ni que cette journée allait être une journée complète. À vrai dire, on pensait être une douzaine et dans une petite salle, donc c'est assez fou et enthousiasmant pour nous. On est absolument ravis que ça touche autant de personnes, donc merci à vous d'être là. Avant de continuer, on aimerait remercier quelques personnes. Nous remercions vivement tous de nos participants et participantes de cette journée d'études. On se réjouit de vous écouter. Et on adresse également nos remerciements à toutes les personnes qui ont envoyé leur candidature. Ça a été très dur pour nous de faire des choix car tout était absolument passionnant. Un grand merci également à Amélie Jouanne de nous avoir permis d'organiser cette journée et pour sa disponibilité et son énergie. Merci également à Tanguy et Valentin de la régie et plus globalement à Césure de nous accueillir. Nous remercions Vivos et Sam, grâce à qui cette journée d'études va être intégralement enregistrée et rediffusée. Et nous remercions aussi nos amis bénévoles qui nous ont aidés pour l'organisation de ce projet. Merci à Oti, Mathilda et Léa. Enfin, merci à tous celles qui ont partagé et fait circuler le mot. C'est en grande partie grâce au bouche à oreille qu'on est aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui. Alors pour ce mot d'accueil, on va commencer par se présenter chacun chacune, puis on va vous dire comment est né le groupe de recherche SIL qui nous a amené à organiser cette journée qui nous rassemble. Alors, je m'appelle Camille Senoble et je suis doctorante contractuelle à Sorbonne Université en première année de thèse. Je travaille sur la photographie dans la presse lesbienne francophone dans le dernier quart du XXe siècle et je m'intéresse plus particulièrement aux pratiques photographiques alternatives et à l'objet magazine en tant qu'outil matérialisant une communauté et une culture visuelle lesbienne. Merci Camille. Je m'appelle Louise Stott, je suis aussi en première année de thèse à l'Université Bordeaux-Montaigne. Et je travaille sur la notion de communauté et de communauté utopique, particulièrement dans le cas des terres lesbiennes d'Oregon dans les années 70. Et je m'intéresse aux pratiques artistiques collectives, notamment la pratique photo et la pratique de l'écriture et la façon dont ça peut constituer des outils de création de la communauté. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Mathilde Arnaud, je prépare un doctorat à l'EHESS dans lequel je m'intéresse aux images médiévales d'affection entre femmes. Dans mon mémoire de master à Sorbonne Université, je travaillais sur les conditions de possibilité d'images lesbiennes avec une perspective transhistorique. J'ai changé de période, mais je continue à poser la question de l'homoaffectivité féminine en adaptant ma méthodologie à une époque où un regard lesbien serait a priori impossible. Et donc maintenant, on va vous parler un peu plus de pourquoi on a créé ce groupe de recherche. En fait, on s'est rencontrés dans le cadre de nos masters. On est tous issus d'universités différentes. Et sans grande surprise, en fait, on se sentait assez seul à travailler sur ces sujets-là, la recherche étant généralement assez solitaire et les questions lesbiennes assez peu considérées au sein de la recherche en culture visuelle. Du coup, quand on est arrivé au moment charnière de passer en thèse, on a décidé de créer le groupe de recherche SIL, donc culture et images lesbiennes, pour rassembler et fédérer les chercheuses qui traitent des questions lesbiennes au sein des études visuelles. Et finalement, de café entre trois amigouines, on est passé à un amphi de 300 places. Au début des années 2000, Anne Cressel et Giovanna Zapperi remarquaient que si les études de genre avaient bien pénétré l'université, l'histoire de l'art y était restée encore très hermétique. Si les questions de genre et de sexualité deviennent des éléments d'analyse importants dans le monde de l'art et des musées, elles le sont encore trop peu au sein de la recherche en culture visuelle et notamment en histoire de l'art. On a tous, à des degrés différents, fait l'expérience d'une certaine difficulté à faire exister nos sujets au moment de passer en thèse et à faire valoir les questions lesbiennes au sein des cultures visuelles comme une véritable question artistique et pas seulement une question sociologique ou anthropologique. Et donc je suis récemment tombée sur un texte aux Archives lesbiennes de Paris qui a beaucoup résonné avec cette journée. C'est un texte qui a été publié dans le numéro de juillet 1985 de la revue québécoise Amazon d'hier, lesbienne d'aujourd'hui, qui était une revue lesbienne radicale publiée à Montréal de 1982 à 2014. C'est un texte qui a été écrit par une certaine Diane Crowder, intitulé « Sappho à l'école », où elle parle de son expérience en tant que lesbienne au sein de l'enseignement universitaire. Et donc c'est une citation qui s'applique très bien à notre initiative et aux raisons pour lesquelles nous sommes ici aujourd'hui. Donc on s'est dit que c'était intéressant de vous la lire. Donc elle dit « Être lesbienne veut dire être en révolte contre notre culture qui efface, réprime et tue la culture lesbienne. C'est refuser profondément la culture qu'enseigne l'université. Loin d'être la raison pour laquelle les lesbiennes doivent quitter l'université, je crois que, au contraire, c'est ce pourquoi nous devons l'infiltrer. D'abord, l'université moderne est la seule institution vouée à la création d'un nouveau savoir. C'est le lieu privilégié des recherches qui vont informer toutes les autres institutions politiques et culturelles. Laisser ses recherches entre les mains des hommes, c'est perdre toute possibilité de saisir pour nous-mêmes ces outils de recherche et de pouvoir. Et donc, on a décidé de se nommer culture et image lesbienne, car c'est la façon dont on se définit. On envisage l'identité, les questions lesbiennes dans leur compréhension la plus inclusive et la plus politique possible, dans une perspective qui est transpédéguine et intersectionnelle, et à laquelle les questions féministes sont intrinsèquement liées. On privilégie le terme lesbienne, car c'est un mot qui, à notre sens, trop peu utilisé. On se considère également comme Gwyn, et nous ne sommes pas tous de cisgenre. Pour nous, lesbienne est le mot qui regroupe toutes ces identités, et c'est surtout à partir de celui-ci que l'on peut exister au sein de la recherche universitaire. Et donc la meilleure solution pour commencer à réaliser cet objectif, ça a été pour nous d'essayer de créer une communauté de chercheuses. Donc on envisage vraiment cette journée d'études comme un laboratoire de recherche, avec la volonté de donner la parole à des chercheuses qui sont en début de parcours principalement, pour pouvoir nous fédérer, afin de faire communauté au sein de la recherche universitaire. La question de la communauté, c'est une question qui est très présente dans nos sujets, parfois même qui en est au cœur, et donc ça nous semble essentiel de pouvoir l'appliquer à nos méthodes de recherche. Nous n'envisageons pas la recherche sans nos amies chercheuses Gwyn, et nous voulons pouvoir donner cette possibilité à d'autres personnes qui en ressentent le besoin. Ainsi, cette journée d'études est une première occasion pour nous de nous rencontrer, de nous écouter et d'échanger entre nous sur des thématiques de recherche. N'hésitez surtout pas à nous écrire à l'issue de cette journée si vos recherches portent sur les cultures visuelles lesbiennes. Vous pourrez notamment faire partie de l'annuaire CIL que l'on va lancer d'ici peu. Il s'agit donc de faire une page sur notre carnet hypothèse afin de rassembler les noms, prénoms et noms, prénoms, contacts surtout, et sujets de recherche de toutes les personnes qui s'inscrivent dans la dynamique de CIL. On a déjà commencé à repérer des grands thèmes de recherche en regardant vos réponses lors des inscriptions, et ça s'annonce absolument passionnant et hétéroclite, donc on a vraiment hâte d'en savoir un peu plus. Et à la suite de cette journée, on espère avoir contribué à mettre en relation des chercheuses qui travailleraient sur des sujets connexes, afin que tous celles qui assistent à cette journée et qui font de la recherche d'une façon ou d'une autre puissent en tirer quelque chose. Alors s'il vous plaît, venez nous parler, et surtout parlez entre vous aussi, parce qu'on est tous intéressés par la même chose, et envoyez-nous des mails, on sera ravis. Pour vous donner un bref aperçu du programme, on écoutera ce matin un premier panel de 4 interventions, de 10h30 à 12h30. Ce premier panel interrogera les codes visuels qu'on peut créer, lire ou récupérer dans certaines représentations et qu'on peut, a posteriori, intégrer à un répertoire lesbien. Nous prendrons ensuite une pause déjeuner pendant laquelle vous serez libre de déjeuner dans Césure ou à l'extérieur. L'après-midi reprendra à 14h pile. S'il vous plaît, soyez même un peu en avance pour faciliter le bon déroulé des présentations. Nous écouterons alors un nouveau panel de 4 interventions qui portera sur la création et l'affirmation d'images lesbiennes par l'entremise de la photographie et du cinéma. À 16h, nous ferons une pause de 30 minutes, nous espérons, et nous reprendrons pour un dernier panel de 3 présentations qui s'intéresseront aux images imprimées et à leur diffusion par le biais de la presse et de la bande dessinée. La journée d'études terminera à 18h. Et donc on vous précise que l'ensemble de la journée sera enregistré pour nos archives personnelles et ensuite pour pouvoir rendre les présentations disponibles sur notre page hypothèse pour les personnes qui n'ont pas pu être ici en présentiel. Donc s'il y a des personnes qui posent des questions, qui interviennent et qui ne souhaitent pas être enregistrées, n'hésitez pas à nous le dire, soit avant de parler, soit à la fin, et comme ça on vous coupera de l'enregistrement. Et donc un grand merci encore à vous d'être ici aujourd'hui. On espère que cette journée sera aussi passionnante qu'elle a été pour nous à organiser. Et on laisse maintenant la parole à Mathilde, qui modère le premier panel de cette journée d'études. Merci beaucoup. Je vais éteindre le micro et le poser là, je vais faire plus de la. Nous allons donc écouter un premier panel de 4 intervenantes que je présenterai chacune leur tour. Je vous invite à noter vos questions au fur et à mesure pour pouvoir les poser aux intervenantes à la fin de ce panel. À l'issue des 4 interventions, nous aurons en effet un temps d'échange pour revenir sur ce qui a été dit et pendant lequel vous pourrez poser vos questions. Nous accueillons pour commencer Natacha April. Natacha April est en 5e année de thèse en histoire de l'art sous la codirection de Christine Gouzy à Sorbonne Université et de Sylvie Steinberg à l'EHESS. Elle est également enseignante vacataire à l'Université Picardie Jules Verne. Sa thèse, intitulée « Troublante Christine, genre et image de Christine de Suède du XVIIe siècle à nos jours », porte sur l'imagerie de la reine au prisme de son genre et de sa sexualité, ainsi que sur l'évolution posthume de cette iconographie. On t'écoute. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation et merci de me donner la possibilité de vous présenter ma chère et tendre Christine de Suède, donc mon sujet de thèse. Et donc pour cette communication, je vais vous présenter une des rares personnalités historiques considérées par la postérité comme ayant été lesbienne, Christine, reine de Suède. Christine de Suède, elle est née en 1626 à Stockholm, elle est décédée en 1689 à Rome et elle a gardé en haleine ses contemporains par bien des manières. En accédant au pouvoir précocement, en retardant son couronnement, en abdiquant après seulement 4 années de règne, en reniant le luthéranisme pour le catholicisme, en tentant par 2 fois de récupérer le pouvoir dans des terres étrangères, en prenant pied dans la curie romaine et en défiant par cela l'autorité même du souverain pontife. Non contente d'être constamment au cœur de tourments politiques, elle imposait fièrement une attitude et un physique considéré comme viril, ultime détail d'un portrait déjà très contrasté. La reine Christine a donc évolué dans cette période d'exception, qui est la période moderne, où nombreuses ont été les femmes de pouvoir, et par bien des aspects, elles ne s'en distinguent pas. Au même titre qu'Élisabeth d'Angleterre, de Marie Médicis ou de Anne d'Autriche et encore bien d'autres, elle a élaboré des stratégies de communication et de propagande afin d'affirmer sa légitimité et surtout assurer sa pérennité. Ce qui fait toute la spécificité de Christine de Suède, c'est son allure androgyne, qui est à la fois nourrie par les témoignages et les pamphlets de son époque, ainsi qu'une imagerie inhabituelle, changeante, qui mettait parfois en avant une féminité virile. Par ce biais, elle a montré sa vision très particulière de son propre statut et qu'elle explicite aussi dans ses mémoires, c'est-à-dire celle d'une femme qui a su transcender son sexe pour s'accomplir dans le genre, dans un statut d'homme. En effet, et afin de servir ses ambitions politiques, elle a très précocement élaboré une pensée et un discours de division genrée de son propre corps. Elle estimait ainsi que dans le cadre privé, elle était une femme et dans les sphères publiques, elle était un homme. Cette pensée, elle s'inscrit bien évidemment dans le contexte qui est très particulier, qui est celui de l'Europe méridionale du XVIIe siècle, où la liberté d'action et la possibilité d'un exercice politique et public n'est que pleinement possible que dans un corps genré au masculin. Par conséquent, loin de se conformer aux normes d'un genre dont les limites étaient beaucoup trop rigides pour elle, la reine a poussé sa démarche en s'emparant des codes vestimentaires et sociaux des hommes. Et à cause de ces différents éléments, des rumeurs d'homosexualité se sont propagées sur la reine, et dès son abdication, surtout, dans une perspective à la fois de lui nuire, mais aussi de lui nuire publiquement et politiquement, et également pour justifier une androgynie affichée qui perturbait à l'époque. Cela a donné naissance à une littérature qui n'a cessé de s'enrichir au fil du temps, et désormais, Christine de Suède, elle est identifiée comme lesbienne ou comme bisexuelle, et elle est régulièrement mobilisée afin de nourrir une histoire de la visibilité lesbienne ou des personnes queer. De la sorte, dans le cadre de cette intervention, je vous propose de revenir sur quelques éléments significatifs de ce processus, et notamment au travers de ces portraits, afin de s'interroger sur la mise en image d'une féminité ou d'une sexualité considérée comme ambiguë. Très tôt dans sa vie, donc, Christine de Suède a développé une imagerie autour d'une nature féminine virilisée, c'est-à-dire d'une féminité qui est associée et mettait en avant les attributs et les accessoires les accessoires considérés comme masculins, dans l'intention de valoriser soit un aspect de sa personnalité, soit une action politique, une action qu'elle a réalisée. C'est un processus qui est commun pour une souveraine, mais Christine a repoussé véritablement les limites de ce processus-là, et c'est ça qui a contribué à nourrir cette image ambiguë, et surtout à nourrir une identité publique qu'elle s'est créée, qui est celle du souverain Christine de Suède. Cela répondait à un premier impératif, celui d'être reine de plein droit, puisque contrairement à la plupart des souveraines de son époque, elle est dès sa naissance prédestinée à devenir souveraine et à succéder à son père, le roi Gustave Adolphe, que vous pouvez voir ici. Ce dernier, il nourrissait de très grands espoirs pour sa fille, puisqu'en l'absence d'héritier masculin, il a de suite fait révoquer la loi salique pour assurer à sa fille la possibilité de lui succéder et ensuite, et de cette manière, assurer la pérennité de sa dynastie. Lorsqu'il meurt au combat, le 6 novembre 1632, la princesse Christine est de ce fait automatiquement investie du pouvoir, et elle a seulement 6 ans à ce moment-là, et à partir de cet instant, elle va être éduquée comme un garçon pour servir, pour assurer le rôle qui lui a désormais été donné. L'une des premières représentations de Christine date de cette époque et elle est particulièrement intéressante parce qu'elle se retrouve dans un portrait en pied qui a été fait de son père, qui a été probablement réalisé un peu avant son décès et qui a été attribué à Jacob Alfbas. Et dans cette peinture, on voit le roi qui se tient devant une planche qui représente, avec une centaine de médaillons, qui représente toutes les conquêtes et les forteresses occupées par la Suède à ce moment-là, c'est-à-dire vers 1630-1632. C'est pour ça qu'on date en général ce portrait vers cette période-là. Derrière cette représentation de conquête, on trouve Christine, enfant, dont seules les épaules et la tête sont visibles. Et cette œuvre, en l'intégrant dans un portrait officiel de son père, la représente comme l'héritière du roi guerrier et plus précisément comme son héritier au masculin. Et en effet, le physique et l'allure de l'enfant réunissent deux éléments considérés comme masculins à l'époque, c'est-à-dire des cheveux coupés très courts et un col haut en dentelle, alors que théoriquement, pour une fille, il aurait dû être beaucoup plus décolleté. Il y a donc un processus très clair de filiation qui est mis en place, puisque Christine est dépeinte de la même manière que son père. Leurs postures sont similaires, leurs coupes de cheveux et leurs costumes également, ce qui accentue l'effet de comparaison. L'allure androgyne adoptée par la jeune Christine donc, montre clairement les ambitions du roi d'éduquer sa fille comme un garçon, mais également de la présenter comme telle publiquement. Par ce biais, Christine est représentée comme son double politique, chargée d'assurer la pérennité de sa dynastie. Ces recours iconographiques ils ont permis d'ancrer la légitimité de Christine comme la future souveraine, peu de temps après que le roi l'ait fait reconnaître officiellement par son gouvernement. Ce premier portrait, il représente la jeune princesse d'emblée en habit d'apparence masculine, donc l'aspect princesse est complètement occulté, et met en place une esthétique androgyne qui est renforcée partiellement par l'absence du vêtement, puisqu'on ne voit qu'une partie de son corps, et c'est ça, c'est cette androgynie-là, par cette absence, qui crée ce lien entre le père et sa fille. Par la suite, c'est à ses 18 ans, en décembre 1644, que Christine de Suède est déclarée apte à prendre part aux affaires politiques de l'État, et elle est alors, à ce moment-là, intronisée roi de Suède, et non pas reine. Elle sera pourtant officiellement couronnée que quelques années plus tard, en 1650, puisque la cérémonie elle a été retardée, notamment à cause de la guerre de 30 ans, qui ravage toute l'Europe du Nord à ce moment-là. Et cette période elle va laisser place à l'élaboration d'une image qui est en apparence plutôt traditionnelle, où la reine a instauré les bases d'une iconographie qui modèlera par la suite son image publique, celle de la Minerve du Nord. En effet, en 1648, elle avait mis fin à la guerre, donc à la guerre de 30 ans, et elle va valoriser depuis l'image d'une reine instauratrice de la paix. Et pour cela, elle va mobiliser l'image de Minerve, qui est un moyen courant pour développer ce genre de discours autour des qualités guerrières des femmes de pouvoir. Et un des exemples les plus connus dans ce sens, c'est celui de Marie de Médicis, représentée par Rubens. Minerve, donc la déesse des arts et des sciences, mais également de la sagesse, était la figure toute choisie pour représenter cette ambition politique et culturelle de Christine, qui s'était dès le début de son règne attachée à protéger les artistes et à attirer à sa cour les savants les plus importants d'Europe. Dans cette perspective, son célibat et sa position de reine victorieuse instauratrice de la paix étaient des éléments supplémentaires qui ont définitivement ancré cette symbiose entre mythologie et réalité. La gravure de Jeremias Falck, elle en est un très bon exemple de ce processus, puisqu'il forme un ensemble riche d'emblèmes qui renvoient tous à la paix ou à la sagesse, comme la chouette ou encore la branche d'olivier. Et cette œuvre, elle montre Christine, mais sous la forme d'un buste, qui porte une cuirasse, avec la cuirasse de la déesse Minerve, bien évidemment, sur laquelle on trouve la tête de Méduse, qui est un autre attribut de Minerve. Et cette gravure est donc l'image d'une image, un portrait du portrait, qui instaure une mise à distance, faisant de Christine de Suède une figure historique, voire même une figure mythologique. Mais le recours à l'Antiquité n'est pas isolé chez Christine, et il se retrouve sous d'autres formes. Dans cette même perspective, il y a ce portrait exécuté par David Beck qui met en scène la reine en Diane Chasseresse. Et même si le portrait il est très sobre pour une reine tout fraîchement couronnée, il témoigne de l'adhésion de Beck aux conventions du XVIIe siècle du portrait de cour. Il marque les différences de rang, de genre, comme il se devait à l'époque. Mais on est donc en présence d'un portrait qui est extrêmement contraint, qui est extrêmement normé et qui entend par ce biais fournir une image officielle de la reine. L'artiste y jongle donc entre l'importance de l'individualité et les canons en termes de beauté féminine, c'est-à-dire qu'à la fois il essaie de produire une image ressemblante de la monarque tout en l'idéalisant. Et de ce fait, la reine elle est représentée dans une robe de soie blanche à la mode, qui est probablement la même que celle de son couronnement. Elle a des fleurs dans les cheveux, elle tient un voile délicat qui flotte au vent. Donc le corps de la reine, il est enfermé dans une chasteté qui est suggérée par sa robe blanche. Elle est enfermée dans un cadre palatial qui surplombe un jardin, donc un espace très contraint. Et cette représentation, elle tranche radicalement avec les témoignages qui étaient faits à l'époque et qui soulignaient parallèlement son tempérament fort, rustre, est farouchement opposée à la mode féminine. Elle était donc aussi extrêmement opposée à l'étiquette, surtout l'étiquette qui était imposée aux femmes, et donc en matière de mode, même en matière de comportement, et elle s'était fait connaître par le port régulier d'une tenue qui était considérée comme androgyne à l'époque, et donc comme étrange. L'étoile tardive de Wolfgang Einbar en sont un très bon exemple, et on voit cette fameuse tenue qui se composait d'une chemise blanche d'homme sous un juste au corps noir et une jupe courte noire qu'elle agrémentait d'accessoires qui étaient considérés comme masculins à l'époque, qui étaient la cravate et aussi le chapeau. Là, on ne le voit pas, mais elle est souvent connue pour porter un chapeau d'homme. C'est donc cet habit très particulier qui va être associé à la reine durant toute sa vie et non pas la robe blanche, de soie blanche, qui est le symbole d'une féminité délicate et éthérée. Pourtant, sous son apparence assez traditionnelle, le portrait de Beck, il est intéressant car il pourrait être malgré tout l'affirmation plus subtile, un code d'une féminité virile et peut-être même de son lesbianisme. En effet, cette toile elle a été réalisée à un moment où la revendication de l'indépendance de Christine et de son célibat était au cœur d'enjeux cruciaux pour son règne, puisqu'à ce moment-là, elle s'opposait à son gouvernement en annonçant refusant de se marier et ainsi de fournir un jour un héritier au royaume. Cela a provoqué beaucoup d'inquiétudes et de discussions qui ont progressivement altéré les relations de la reine avec sa cour, mais qui ont aussi modifié son image publique, passant de la souveraine de la paix à la reine vierge. Et en ce sens, les portraits qui la représentent en Diane sont très significatifs et s'inscrivent en fait dans une démarche qui est à peu près similaire à Minerve, puisqu'on est dans une même démarche de signifier la chasteté, la virginité, mais surtout un pouvoir autonome, puisque bon, là, Diane, c'est la déesse chasseuse, patronne de la chasteté. Minerve et Diane, elles sont donc étroitement liées, partageant des vertus et des attributs similaires. Donc voici, là, je vous donne un exemple des différents portraits en Diane. Et ces portraits-là font donc partie de cet ensemble qui use du prétexte mythologique pour affirmer sa nature guerrière et son âme virile, tout en l'inscrivant dans des modèles féminins de souveraineté plus traditionnels. Mais convoquer la figure de Diane, c'est également un moyen d'affirmer sa vision personnelle du pouvoir. En se montrant ainsi, elle annonce son désir de régner seule, tout en mettant en avant sa virginité et son désir de chasteté. Le mythe de Diane, il est en lui-même assez ambigu, puisque la déesse elle n'est jamais ouvertement désignée comme lesbienne dans les textes, mais à cause de son entourage exclusivement féminin, elle est depuis le XVIe siècle, du moins dans la littérature, mais aussi également un peu dans la peinture, elle renvoie à l'idée de saphisme. Et en ce sens, employer l'image de Diane peut être considérée comme une affirmation plus radicale de la virginité que ne pouvait le faire l'image de Minerve. Diane, elle affirme non seulement la virginité, mais surtout le refus d'une sexualité avec les hommes. Et en ce sens, je considère ces images en Diane, dans le cas très spécifique de Christine de Suède, comme une forme de représentation d'une sexualité entre femmes, d'un érotisme entre femmes. Et en effet, la question de l'homosexualité de la reine, elle a émergé très tôt dans son parcours personnel, notamment à cause de sa proximité avec Ebba Spar, que l'on retrouve notamment dans un portrait en Diane qui a été réalisé par Pierre Signac. Et il y a un témoignage qui a été particulièrement considéré comme troublant en ce sens, qui est celui d'un ambassadeur anglais qui avait écrit lors de son voyage en Suède que la reine lui avait présenté Ebba comme sa compagne de lit. Ce qui était à l'époque un terme pour désigner la personne en charge de manière très pragmatique, réchauffer le lit avant que le souverain n'aille s'y coucher. Mais cette anecdote, elle a permis d'enrichir, si ce n'est de confirmer l'homosexualité de la reine pour un regard extérieur, et surtout au regard de la postérité, puisque ça devenait la justification tout trouvée pour un comportement qui était considéré comme viril et ambigu. Parallèlement, dans les années 1650, si elles sont les années officielles du règne de Christine de Suède, c'est aussi la période où la reine envisage déjà son abdication. C'est une idée qui apparaît très tôt dans son esprit, dans sa correspondance également, et qui est à mettre en lien avec une évolution intellectuelle et spirituelle qui accorde une très grande place au néo-stoïcisme. Et dans ce processus, c'est l'arrivée du philosophe René Descartes à sa cour qui va lui permettre de pleinement explorer cette voie philosophique. La production de Sébastien Bourdon s'inscrit également dans ce chemin intellectuel où transparaît la volonté de la reine de présenter un autre visage et plus naturaliste. Elle endosse alors les pourtours de la reine philosophe qui lui permettent d'affirmer une souveraineté androgyne en non-conformité avec le modèle traditionnel du pouvoir au féminin. Et dans ce portrait en buste qui a été réalisé en 1953, rien ne laisse suggérer le rang de la reine. Elle est vraiment dans une attitude d'humilité. Et au moment de l'exécution de cette toile, l'abdication est sur le point de se produire, en fait. Et ce portrait est, à mon sens, une première affirmation de cette prise de décision. Et cette démarche, elle me semble qu'elle se renforce visuellement, elle veut renforcer visuellement un lien avec le philosophe, et cela se voit notamment avec la proximité des vêtements. Si on les met côte à côte, on voit cette idée de filiation intellectuelle entre les deux personnages. Et cela se retrouve également dans un recours quasi systématique chez Christine de Suède à la figure d'Alexandre le Grand. C'est le cas du portrait équestre qui a été réalisé en 1954, année de son abdication. Et sur cette toile, elle est représentée sur un cheval en Amazone. Elle a une tenue austère qui est virilisée par la présence d'un manteau à galons et d'une chemise masculine. Et on la voit sur une monture agitée. Elle reste impassible, et ici, elle se représente comme un souverain face à l'adversité qui maîtrise son pays et ses émotions comme elle maîtrise sa monture. L'allusion à Alexandre, elle est présente parce que le cheval, il a une tache en forme d'étoile sur le front qui est une caractéristique de Bucéphale, le cheval du roi de Macédoine. Et donc, l'allusion à Alexandre, c'est un topos classique équestre, parce que pour tous les rois, se représenter à cheval, c'est faire allusion à Alexandre le Grand. C'est classique, mais pour une souveraine, ça ne l'est pas du tout. Et très peu de souveraines se sont représentées ainsi. Et ça montre bien sa conception néo-stoïque qui met en valeur son détachement émotionnel et sa rationalité, car Alexandre était pour elle un modèle identificatoire de vertu et d'héroïsme. Elle présente donc avec cette toile un nouveau rôle qu'elle entend prochainement incarner sur la scène européenne. Et quelques mois après l'exécution de la toile, elle abdique publiquement, elle abjure la foi luthérienne et elle se rend auprès du pape pour prendre officiellement le nom de Christine Alexandre. Et par ce changement de nom, elle justifie tous les éléments passés comme un surpassement héroïque des passions et des vertus, tout en manifestant son intention d'incarner une figure universelle du pouvoir. Donc cet exemple, il montre cette capacité de Christine de s'inventer, de se réinventer, de remodeler son image selon ses besoins, selon ses idées politiques. Et c'est ce qui explique notamment, en fait, l'instabilité de son imagerie, qui ne suit pas un processus linéaire, où ses portraits seraient le résultat logique d'un processus entamé des années plus tôt. Et au contraire, on peut y voir une forme de régression, de rétropédalage iconographique qui serait absolument incompréhensible si on ne connaissait pas sa vie. Et de la sorte, après son abdication, Christine, elle ne renonce pas du tout à ses fonctions royales et encore moins à disparaître de la scène publique. Elle se considère toujours comme souveraine et c'est sûrement ce qui explique sa persistance tout au long de sa vie à être active politiquement et culturellement. Et je passe sur toute une période de sa vie, je passe sur la conversion, sur ses tentatives de s'emparer du trône de Naples, puis ensuite du trône de Pologne, puis ensuite de récupérer celui de Suède. Je passe également sur l'escadron volant, une faction qu'elle a créée pour intervenir directement dans les élections papales. Et je vais pour finir m'arrêter sur la dernière iconographie qu'elle a développée à la fin de sa vie, qui est celle de la protectrice des arts. Donc après de très nombreux voyages, elle s'installe définitivement à Rome en 1667 et elle engage un processus de changement dans ses portraits et ces derniers s'inscrivent dans le canon féminin des représentations de souveraines. Elle affirme par ce biais-là son implication dans les sphères artistiques et le nouveau rôle qu'elle affirme à ce moment-là à Rome, celle de patronne des arts et patronne de Rome, un rôle qu'elle conçoit comme une concurrence directe à celui du pape. Parce qu'à ce moment-là, elle est devenue une figure absolument incontournable. Elle a créé le premier théâtre public de Rome qui était ouvert aux femmes, autant en tant que spectatrice que comme actrice. Et durant cette période, elle fait appel à des artistes comme Ferdinand Vogt, Michael Dahl ou Giulio Cartari, dont les productions incarnent l'ultime tentative de Christine d'exercer une certaine forme de pouvoir après une longue suite d'échecs politiques. Et à cette occasion, en 1669, Vogt réalise ce portrait où elle est assise sur un trône tenant un globe de sa main gauche et l'artiste... Et donc, on voit ce changement, je finis, on voit ce changement, enfin, on est complètement sur une représentation féminine qui, en fait, montre qu'elle a complètement perdu la main politiquement et elle essaie de réinstaurer un pouvoir en prenant une iconographie qui est traditionnellement considérée pour les souveraines, pour les femmes et pour les reines consorts. Donc ça montre vraiment cette conscience de ce changement de genre, comment il peut être utilisé à des fins politiques. Et donc, pour conclure, ça montre en fait cette très grande passivité qu'a eu Christine de Suède, bon, voilà, notre de Vogt, dans cette même lignée avec des portraits avec des attributs masculins et féminins. Donc on a une iconographie qui est extrêmement changeante, qui a nourri cette image de reine lesbienne par tous ces attributs-là. Et ensuite, ça a été vraiment considéré, et vraiment là, je finis là, ça a été reçu par la postérité comme une iconographie lesbienne, parce qu'à partir des années 30, elle est devenue cette ultime icône avec Greta Garbo, qui a permis, grâce au film de Rubén Mamoulian en 1933, de pérenniser, cristalliser l'image de Christine de Suède, la reine lesbienne. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Natacha. C'était passionnant et pardon de t'avoir demandé d'accélérer sur la fin. On est obligé d'être un peu rigide avec le timing pour que tout rentre parce qu'on a une journée très dense. Juste avant de passer à la présentation suivante, si des personnes qui sont assises en bordure seraient d'accord de se resserrer un petit peu vers le milieu, parce qu'en fait, il y a d'autres personnes qui continuent d'arriver et ça leur permettrait de pouvoir s'installer facilement. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir passer à la présentation suivante. Et bien sûr, on aura l'occasion de revenir sur la présentation de Natacha à la fin du panel. Donc, n'hésitez pas à noter vos petites questions pour plus tard. On va accueillir maintenant Nolwenn Susin. Donc, Nolwenn Susin est diplômée d'un Master 2 en Histoire de l'art à l'Université Lumière Lyon 2. Ses recherches s'axent autour des réseaux lesbiens de création artistique, de la possibilité d'une histoire de l'art et d'un regard lesbien, et enfin du sous-texte lesbien dans les œuvres de René Vivien, Nathalie Clifford-Barnet et Marie Laurencin, dont elle va nous parler maintenant. À toi. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je pense. Merci beaucoup à vous et merci vraiment pour cette précieuse journée qui soigne vraiment beaucoup de choses. Donc merci beaucoup. Et merci à Natacha pour ta super présentation aussi. Hop. Alors, c'est parti. Tac. Donc, dans ses lettres à son amante Nathalie Clifford-Barnet, René Vivien surnomme très régulièrement son amante « Mon cher Lys Blanc, mon Lys adoré », et celle-ci l'implore en 1904 de se souvenir des Lys à propos de leurs amours. De fait, Nathalie Barnet et René Vivien sont deux des lesbiennes les plus connues du passage du 19e au 20e siècle, et elles ont utilisé de nombreux symboles et de nombreuses mythologies pour évoquer leurs amours, tels donc que celui de la fleur de lys. Si elles sont particulièrement connues pour leurs écrits, elles ont été également créatrices d'images, puisque Nathalie Barnet va dessiner au creux de ses lettres qu'elle envoie à ses amantes, et elles vont régulièrement poser dans des mises en scène photographiques qui sont principalement inspirées de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de la Bible. Et de fait, il est intéressant de constater que dans les 10 premières années du XXe siècle, Marie Laurencin va également employer ce symbole de la fleur de lys. Marie Laurencin, c'est donc l'une des artistes femmes les plus connues de son temps, et c'est une artiste qui a été ouvertement bisexuelle et qui a fréquenté de nombreux réseaux féministes et ou lesbiens de l'époque, comme le Temple de l'Amitié que tient Nathalie Barnet à partir de 1902. Et dans la recherche, leurs liens sont régulièrement mentionnés, leurs œuvres sont presque pas, voire peu étudiées, alors qu'elles ont bien des résonances inter-iconiques, c'est-à-dire que des symboles récurrents vont traverser les œuvres, et on va voir qu'elles construisent un symbolisme et une mythologie commune. De fait, si les mythes et symboles sont un des lieux communs de la fin de siècle, enfin de la fin du 19e, et de même que la fleur de lys est un des poncifs de l'Art nouveau et du pré-raphaélisme, il semble que l'usage qu'elles font de ce symbole devient quelque chose de beaucoup plus subversif et surtout de beaucoup plus identitaire. De fait, elles construisent des symbolismes sur une toile de fond très lesbophobe et misogyne, puisque au cours du XIXe siècle fleurit toute une exégèse autour des lesbiennes qui est teintée de stigmatisation et de fantasmes, qui prend sa source dans les discours médicaux qui essayent de définir le lesbianisme et qui va ensuite énormément être repris dans les discours politiques, artistiques de l'époque. Et également beaucoup dans la littérature, ce qui va notamment faire dire à Liane de Pougy, une des amantes de Nathalie Barnet, pour échapper au châtiment, les lesbiennes doivent apprendre à courber la tête et à cacher ce qui est sublime au-delà de l'ordinaire compréhension. Je vais beaucoup citer l'ouvrage dans lequel elle écrit cela, c'est un roman saphique qu'elle a écrit avec son amante Nathalie Barnet en 1901, qui est un roman fictif qui est quand même inspiré de leurs amours et dans lequel Nathalie Barnet va également écrire des chapitres, donc on va beaucoup revenir dessus. On va donc essayer de comprendre ensemble pourquoi elles utilisent le motif de la fleur de lys. Et elles s'emparent de leur discours donc, à la fin du siècle, malgré les stéréotypes qui se forgent contre elles, puisqu'elles accèdent à de nouvelles conditions de création, qui sont dues notamment au progrès de la photographie, à l'accession des femmes au monde de l'art, à l'érosion des académies et à la constitution de lieux culturels fondateurs lesbiens, tels donc que le Temple de l'Amitié qui permet la transmission et la création commune des lesbiennes. Dans mon travail, j'ai pu étudier beaucoup de symboles et de mythologies, mais dans un souci de précision. On va donc essayer de décoder ensemble l'iconographie de la fleur de lys. Et on va essayer de comprendre comment elles resémantisent le lys comme symbole lesbien et comment donc elles vont dépasser les stéréotypes. Je vous préviens que certaines lectures vont peut-être vous paraître un peu essentialistes, mais cependant, vous allez voir que ça revêt vraiment des significations qui sont subversives et qui sont du coup passionnantes. Alors, on va étudier principalement quatre œuvres aujourd'hui. Je vous les présente rapidement, mais on va vraiment les étudier. Il y a deux photographies qui ont été réalisées par Alice Hughes de René Vivien, où elle tient deux bouquets de lys, qui datent de 1907. On va travailler sur une gravure de Marie Laurencin qui date de 1904, où les fleurs de lys sont situées sur le manteau de la personne qui déploie son manteau. Et sur une photographie de Nathalie Barnet, qui est photographiée avec une de ses amantes, Eva Palmer, et où elle tient une fleur de lys dans la main droite. Alors, pourquoi la fleur de lys ? Eh bien, la fleur de lys, puisque c'est une fleur qui est associée à la blancheur, c'est une fleur qui va rapidement devenir le symbole de la pureté et de la virginité, ce qui donc va en faire rapidement un attribut marial, donc un attribut de la Vierge Marie, et cette iconographie, elle va trouver des résonances dans le XIXe siècle. Pourquoi ? Puisque en 1854 est proclamé le dogme de l'Immaculée Conception qui va réinvestir cette virginité éternelle de la Vierge. Et donc, pourquoi les lesbiennes vont s'emparer de ce stéréotype, de ce motif, pardon, tout simplement parce que justement, il y a un gros stéréotype de virginité autour des amours lesbiennes et surtout du sexe lesbien, puisque cette sexualité sans homme est définie par les discours comme étant une sexualité vierge. Mais cette sexualité, enfin, ce stéréotype de virginité ne va pas être le signe de pureté, comme la virginité de la Vierge Marie, mais au contraire, le signe de leur perversion. Et donc, elles vont s'emparer, elles vont retourner ce stigmate-là, et elles vont utiliser justement le symbole de la fleur de lys et l'iconographie de la Vierge pour justement renforcer le stéréotype et surtout insister sur la pureté des lesbiennes en réponse donc à ce stéréotype de perversion dont elles sont accusées. De fait, dans les iconographies, on va retrouver beaucoup d'indices visuels de cette blancheur. Déjà, ce qui saute le plus aux yeux, c'est la blancheur des corps qui va être mise en valeur grâce à une esthétique des contrastes qui est due au médium utilisé, la gravure et les photographies, qui va mettre en valeur les contrastes coloriques et donc insister sur la blancheur des corps lesbiens. Et cette blancheur, elle est redoublée par les drapés de la robe de Vivien et des drapés aussi de Barnet. On va retrouver d'autres symboles de pureté comme la colombe et les auréoles dans la gravure de Laurent Saint. Et dans l'iconographie également, on va retrouver un traitement lumineux qui va évoquer l'auréole de Marie. De fait, vous voyez que dans la photographie de René Vivien, il y a une saturation lumineuse qui, grâce à la photographie, qui est un médium qui dessine avec la lumière, eh bien, on va justement mettre en valeur le décor lumineux qui vient saturer complètement René Vivien, et qui donc vient l'inonder d'une auréole lumineuse et qui vient la glorifier par le biais de l'image. Et cette construction visuelle de l'image, elle rappelle ceux de la peinture. Et je vous ai mis un exemple avec la Madone Sixtine, où de fait la peinture utilise là aussi les contrastes coloriques pour ouvrir un infini dans l'espace de la peinture. Et de fait signifier la virginité et la divinité de Marie, ce que semble donc reprendre l'iconographie de René Vivien. De fait, on retrouve des procédés similaires dans la gravure de Laurent Saint, puisqu'on a également cette ouverture sur l'infini, et surtout on a l'arrondi de la colonnade sous laquelle la personne est installée, qui est traité avec un schématisme modernisme des traits, et qui par le raccourci perspectif permet de dessiner une auréole au-dessus de la tête de l'amante. Et donc, ce traitement de la lumière, ce traitement de la virginité et de la sacralité, surtout, on va le retrouver aussi plus symboliquement dans l'autre cliché de Vivien. C'est des photographies qui ont été prises à l'occasion du mariage de sa sœur, mais qui semblent vraiment tenir un discours iconique qui est propre à René Vivien. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été prises en studio. Et ici, le vitrail fait référence à l'architecture liturgique, puisque dans l'architecture liturgique, la lumière qui vient traverser les vitraux représente la fécondation divine de Marie qui se fait féconder par l'Esprit Saint. Et qui donc est signe de sa pureté puisqu'elle reste vierge malgré cette fécondation. Et donc on retrouve cette évocation-là dans le vitrail à lancette gothique devant lequel elle pose. Nathalie Barnet évoque ainsi la limpidité de la chair lesbienne et Liane de Pougy écrit « Les couleurs sont très symboliques, toi c'est comme moi, du blanc tu es vierge ». Donc on va retrouver cet idéal de pureté et on va en fait les sacraliser au niveau de l'iconographie. Pourquoi ? Parce qu'elles ont mis en valeur par l'image. De fait, elles sont le centre de l'image. Elles construisent véritablement l'espace et elles sont mises en valeur donc, par les couleurs et par le traitement spatial et géométrique des images. Et en plus, Nathalie Barnet, par exemple, va siéger sur une cathèdre, ce qui contribue à la sacraliser. Voilà. Pour un peu appuyer mon propos, je vous montre aussi un autoportrait de Marie Laurencin qu'elle réalise en 1909 et où le bleu du manteau fait directement allusion à celui de la Vierge Marie. Et c'est intéressant de noter aussi l'homophonie entre Marie Laurencin et la Vierge Marie, et c'est un procédé qu'elle va pas mal réemployer aussi dans ses autoportraits. De fait, la virginité va donc apparaître comme un moyen de sacraliser les amours lesbiennes et surtout de se jouer de ce stéréotype et d'affirmer une pureté puisqu'elle s'approprie ce trope de la sexualité sans homme. Et de fait, elle retourne le stigmate en affirmant une pureté par rapport à ça. Elles écrivent par exemple... Mon cher Lys Blanc, je ne donnerai pas ces quelques heures rayonnantes en échange du royaume des cieux, ou ainsi que les saintes martyrs, j'irai bravement à la mort pour la gloire de ma religion. Et ma religion, c'est Anine de Lys. Elle était mystiquement en extase. De fait, elles vont utiliser donc la pureté, la virginité et la sacralisation par l'image pour retourner ce stéréotype et se l'approprier de manière améliorative. De fait, c'est intéressant de voir que le symbolisme d'Ulysse, au-delà de l'évocation de cette pureté qui est sacralisée, elles vont également en faire une métaphore sexuelle. De fait, c'est intéressant de montrer que l'esthétique en courbe de la personne qui est au centre de l'image de la gravure de Laurencin va directement répondre, bon, on ne voit pas très bien, mais aux arabesques des pétales d'Ulysse qui sont situés sur sa droite. Et donc, ça va créer une équivalence formelle qui va donc redoubler l'équivalence chromatique qu'on a déjà évoquée. Et on retrouve des éléments similaires chez Vivien, pardon, puisque les volants de la robe vont directement faire écho aux corolles d'Ulysse. Et donc cette identité visuelle va se mouvoir en identité symbolique en associant le lys à la mante ou à l'artiste. Et donc chez Vivien, c'est notamment renforcé par la saturation lumineuse qui dissout les contours d'Ulysse et de Vivien. Et donc, elle est totalement dans une fusion avec le lys qui évoque donc cette identité visuelle et symbolique. Elles écrivent ainsi « Ce fut un rayonnement de chair immaculée. Je ne vis jamais forme féminine plus parfaitement liliale. J'entendis un soupir de pétales qu'on froisse, puis lisse entre les lys m'apparut ton corps blanc. Ou encore, Nine, ces fleurs t'étaient destinées. J'avais choisi pour toi ce que j'avais pu trouver de plus blanc et de plus virginal. » À ta ressemblance. De fait, c'est intéressant de noter également que cette identité entre le corps lesbien et le lys va particulièrement se diriger sur le sexe, puisque dans la construction de l'image, dans les photographies de Vivien et la gravure de Laurencin, les lys sont majoritairement situés au niveau du sexe ou du bas-ventre des lesbiennes, et ce malgré leur changement de position. Et donc on va retrouver une équivalence entre le sexe la fleur de lys. Yann de Pougy écrit ainsi « Elle portait entre ses bras croisés toute une floraison de larges fleurs en forme de calice au long pistil d'or clair. Elle effeuillait les fleurs. Je voudrais te chanter une litanie d'amour. » Il y a donc une équivalence qui va être faite par les lesbiennes entre le clitoris et le pistil d'Ulysse. Et de fait, ce symbolisme sexuel il va être ensuite redoublé par le motif de l'agenouillement, qui va évoquer l'action sexuelle qui précède un cunnilingus. Et de fait, elles écrivent « Ô toi, femme que j'aime, ô lys irréprochable, très cher qu'on ne peut approcher qu'à genoux, et que le repas soit comme la sainte table. » Ailleurs, Vivien écrit également « Elle régnait au-dessus de l'autel, sur ses cheveux dénoués, luisant une couronne d'étoiles. Les lys exhalaient vers l'Orelai leur parfum sacré. Je m'agenouillais devant l'autel et j'offris à l'Orelai la plus fervente, la plus éperdue des oraisons. » De fait, dans la littérature, on va retrouver beaucoup d'équivalence entre l'agenouillement et le sexe. Et ça, on va le retrouver également dans des caricatures qui vont là aussi évoquer ce schème qui va confondre la religion et le sexe. Je vous montre une gravure qui a été réalisée la même date que la gravure de Laurencin. Et je vous présente aussi d'autres caricatures qui évoquent directement le lys comme une fleur de lys, c'est-à-dire une fleur sexuelle, et qui donc ici, là, ridiculise les lesbiennes, mais de fait, avec toute la sacralisation iconique qu'on a déjà montrée en début de présentation, eh bien, en fait, elle retourne le stéréotype. Et je voudrais quand même mentionner aussi que le lys, au-delà d'évoquer le clitoris, va pouvoir aussi représenter le phallus. Et de fait, c'est intéressant de voir aussi qu'il y a des esthétiques géométriques et phalliques des lignes qui sont aussi dans les images, qui vont reprendre directement des codes des caricatures lesbiennes. Et donc, en fait, elles vont jouer à retourner tous les stigmates, à retourner les stéréotypes, via leurs iconographies. J'ai pas trop le temps de m'arrêter dessus. Et donc c'est intéressant parce que en fait elles vont s'inscrire dans une iconographie assez traditionnelle, celle de la Vierge, mais donc elles vont complètement corroder finalement ces références. Pourquoi ? Parce que la fin du 19e siècle, c'est une période de panique démographique. La France est en déclin démographique et on va accuser les lesbiennes qui sont considérées comme étant des vraies menaces de la race, puisqu'elles se refusent à la maternité. Alors, j'ai pas le temps de tout vous lire, mais dans la littérature, on retrouve l'accusation assez violente de ce refus de la maternité pour les lesbiennes. par exemple, « Horreur pour vous, immonde créature, qui mentait à l'amour et gardait dans vos seins la semence sacrée », ou encore « Que des serpents de feu lèchent ces corps stupides qui se sont refusés à la maternité ». En ce sens, c'est intéressant de voir qu'elles reprennent des iconographies dites de Théotokos, c'est-à-dire de mère de Dieu, mais en remplaçant le Christ par l'amante. Et ailleurs, Marie Laurencin va réemployer le motif de la Vierge au manteau. Ce motif-là, c'est un motif qui permet à la Vierge d'offrir la protection aux personnes humbles, faibles. Et ici, donc, Laurencin vient protéger les lesbiennes. Et pareil, René Vivien, elle reprend un motif à Epartenos de la Vierge, qui insiste sur sa virginité. Mais puisqu'elle regarde le lys qui est situé sur son sexe, on pourrait pourquoi pas voir une évocation de la masturbation. Ce qui va être d'autant plus corrosif pour l'époque, parce que la masturbation est associée à l'infécondité et à l'infertilité, et de fait, ça vient complètement subvertir cet impératif procréatif fin de siècle. De ce fait, puisqu'elles sont accusées d'infertilité et que leurs amours vont être accusés d'être morbides, infertiles, c'est intéressant de voir que, justement, elles vont renverser là aussi le stigmate en affirmant la fertilité créatrice du symbole. Et de fait, je vous projette une caricature qui s'appelle la femme artiste, mais qui représente des lesbiennes, puisque les archétypes de la femme artiste et de la lesbienne vont se confondre, en ce que la lesbienne et la femme artiste se détournent des normes bourgeoises de procréation, et pour au contraire se vouer à la création. Et de fait, c'est intéressant parce que tout le symbolisme qu'on a tissé dans le lys, qui peut être à la fois pistil, clitoris, phallus, ou au contraire virginal et sexuel, c'est intéressant parce que ça prédispose presque le lys à être un symbole queer, avec une fluidité des évocations, avec justement des significations qui sont multiples, et donc qui affirme par l'art cette fertilité créatrice lesbienne. Et de fait, on va retrouver dans d'autres de leurs œuvres un symbolisme qui va se tisser de manière commune. Et par exemple, elles reprennent le mythe de Diane Chasseresse, qui est également un mythe associé à la virginité, où elles vont aussi jouer avec les genres dans les iconographies plutôt inspirées des récits royaux. Elles détournent tous les stéréotypes qui leur sont associés. J'ai fini. Merci beaucoup, Nolwenn. On va enchaîner sans transition, mais on aura le plaisir de pouvoir te poser des questions tout à l'heure. C'est au tour de Marie Follet de prendre la parole. Merci. Donc Marie Follet est diplômée d'un master de recherche en histoire de l'art à l'université Panthéon-Sorbonne. Elle prépare actuellement les concours de la conservation du patrimoine. Dans ses recherches de master, elle s'est intéressée aux imaginaires de la rousseur féminine en France entre 1870 et 1930, ainsi qu'aux conditions de production et au réseau de sociabilité d'artistes lesbiennes berlinoises sous la République de Weimar. On t'écoute. Merci. Vous m'entendez là comme ça ? Oh, trop bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Peut-être qu'il faut que je parle. Ok. Merci pour cette présentation, merci pour cette journée d'études, pour cette occasion et ces échanges qui nous sont permis. Donc moi je vais vous parler de Jeanne Mamène, qui est une artiste allemande qui évolue dans ces réseaux de sociabilité donc, de la République de Weimar. Donc en 1928, Jeanne Mamène publie dans le périodique Ulk une illustration intitulée « Two women in the library ». Donc il n'est pas certain qu'il s'agisse d'un couple, car le titre demeure peu explicite, mais l'affection et la proximité physique qui règne entre les deux protagonistes est absolument manifeste. En cela, cette représentation est transgressive pour l'Allemagne de la République de Weimar. En effet, depuis le 19e siècle, et donc Nolwenn est un petit peu revenu dessus, les homosexuels et les lesbiennes sont stigmatisés par un certain nombre de théories pseudo-scientifiques qui voient dans l'attirance pour le même genre une forme de déviance. Otto Weininger, dans son ouvrage Sexe et caractère, publié en 1903, définit un certain nombre de caractéristiques injurieuses à l'égard des homosexuels et des lesbiennes. Ces thèses, elles sont abondamment reprises par la presse de l'époque, qui érige Weininger en un génie incompris, et qui donc vraiment reprend ces différentes idées. Weininger publie également des propos misogynes par rapport aux créatrices. Il n'hésite pas à affirmer que parler d'un génie féminin serait une contradiction dans les termes. Donc c'est finalement dans ce climat extrêmement misogyne et lesbophobe qu'évolue Jeanne Mamène, qui est donc une artiste lesbienne née en 1890. Celle-ci, elle vit à Berlin dans l'entre-deux-guerres, et malgré son origine bourgeoise, elle se retrouve vite forcée de travailler pour des périodiques comme Gagne-Pain. Et donc ces périodiques, c'est quand même une forme d'aubaine pour elle, puisque ça lui permet de voir son œuvre diffusée dans une certaine mesure, et en même temps, la façon dont ces différentes illustrations sont publiées traduit une partie de son œuvre. En effet, on va d'abord parler dans sa présentation des stratégies iconographiques mises en œuvre par Jeanne Mamène pour représenter avec une forme d'érotisme subtil et une sororité manifeste les couples de femmes. Puis, dans une deuxième partie, on parlera d'un corpus de dessins que livre Jeanne Mamène pour répondre à une commande, celle des chansons de Bilitis. C'est un recueil érotique et lesbien publié par un homme, Pierre Louis, à la fin du XIXe siècle, qui est abondamment illustré par des artistes dans l'entre-deux-guerres. Et donc, il est vraiment intéressant de comparer le corpus des dessins que livre Mamène aux dessins de ses contemporains, notamment masculins. Donc, dans l'immédiate après-guerre, on note une forme d'essor de la presse qui permet donc à Jeanne Mamène de se servir des illustrations qu'elle produit comme gagne-pain. Annelie Lütgens, qui est la grande spécialiste de l'œuvre de Jeanne Mamène, dit qu'on y recense en tout dans un certain nombre de périodiques comme Ulk, Die Schöne Dame ou Simplicissimus, 81 dessins de la part de Mamène alors qu'elle ne produit que quelques années. Ces publications, cependant, entraînent un certain nombre de contraintes, parce que Jeanne Mamène n'a pas son mot à dire sur les titres sous lesquels sont publiées ces illustrations, ni sur les légendes, sur les légendes qui les accompagnent. Parfois, les titres n'ont pas grand-chose, d'ailleurs, à voir avec la scène représentée, et il semble y avoir une forme de volonté de nier toute impression de sensualité entre les protagonistes féminins. C'est ce qui se passe notamment dans cette illustration, donc, qui est publiée sous le titre « Le marchand de Venise ». Et donc la légende qui accompagne cette illustration, c'est « Ah, si tu savais pourquoi il a donné la bague ». Et donc, en fait, c'est assez intéressant parce que les regards convergent très clairement vers cet écrin. Il y a une forme de sensualité, de proximité physique, du moins, entre les deux protagonistes. On pourrait y voir même une forme de romantisme. Et puis finalement, cette légende qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qui et ce qui paraît sur l'image, réintroduit la nécessaire présence d'un troisième personnage masculin qui concentre finalement cette discussion. Donc finalement, cette hypothèse d'une liaison romantique se trouve complètement exclue. La légende invite à une lecture tout à fait univoque et unique de la scène. Et donc finalement, cet exemple, il est assez révélateur du rôle des périodiques, qui assurent certes une forme de diffusion, mais en même temps sacrifient une partie de son œuvre, et en tout cas la richesse de cette polysémie et de cette subtilité. Chez Jeanne Mamet, la proximité entre les personnages féminins, elle est fréquente et elle est notoire. C'est le cas notamment donc dans Liebesgeschichten, Histoire d'amour, que vous avez sur la gauche, et dans Sie haben sehr schöne Hände, donc vous avez de très belles mains, que vous voyez sur la droite. Donc on a toujours ces scènes très intimes qui revendiquent ce côté romantique, au moins subtilement, mais qui se retrouvent, au moins dans Liebesgeschichten, également contredites par la légende. Ici, on a un personnage qui dit donc « Connais-tu la différence entre le talent et le génie ?»« Non, je sais juste que je suis un génie moi-même. » Quelque chose qui finalement n'a pas grand-chose à voir avec la scène représentée, encore une fois, mais qui oriente vraiment cette interprétation et sacrifie la polysémie de l'œuvre au profit d'une représentation beaucoup plus lisse pour la presse plus généraliste. Oui. Donc, bien qu'elle ne choisisse pas les titres sous lesquels sont publiées les illustrations, Jeanne Mamet n'hésite pas à recourir à des codes visuels qui peuvent signifier la potentielle relation lesbienne entre les protagonistes. Donc, Jeanne Mamet, elle connaît très bien la société berlinoise, elle fréquente les clubs, elle lit sans doute la presse d'époque et elle retranscrit une partie de ces codes, notamment la coupe à la garçonne qui se trouve particulièrement popularisée dans l'entre-deux-guerres, notamment après la publication du roman de Victor Marguerite, La Garçonne, qui a vraiment son lot de stéréotypes et qui est finalement plein de présupposés misogynes et lesbophobes, mais qui se retrouve réapproprié comme symbole pour signifier la potentielle homosexualité. Il y a tout un vestiaire masculin, du moins androgyne, qui est repris dans certaines illustrations de Jeanne Mamet, et puis donc toujours cette coupe au bol. Donc finalement, autant d'éléments qui laissent indiquer subtilement la relation homosexuelle, tout en restant, et ça c'est important, assez anecdotique finalement, pour un public non sensible et majoritairement hétérosexuel. Donc ça lui permet d'éviter la censure, tout en voyant son œuvre diffusée. Donc, quand elle produit pour des journaux, Jeanne Mamet doit composer avec ces différentes contraintes, préférer les allusions subtiles à la représentation plus directe d'une représentation lesbienne. Mais elle produit également dans d'autres contextes, et on va se pencher maintenant sur un autre corpus d'illustrations de Jeanne Mamet, qu'elle produit pour illustrer les chansons de Bilitis, donc un recueil de poèmes manifestement érotiques et lesbiens, qui a pour sujet principal les relations lesbiennes entre Bilitis, qui serait une contemporaine de Sappho, et Mnasidika, son amante. Ce recueil il est abondamment illustré, notamment dans l'entre-deux-guerres, et majoritairement par des artistes masculins qui semblent voir dans ce recueil une occasion de proposer une représentation manifestement érotique et sexuelle. On verra d'ailleurs que Jeanne Mamet préfère à ces différents schèmes un érotisme qui est plus subtil, qui se confond parfois avec une forme d'intimité, voire de sororité, dans la relation de confiance qu'elle met en scène. On va donc comparer ses productions. Donc, quand il publie le recueil en 1894, Pierre-Louis affirme d'abord qu'il s'agit d'un certain nombre d'écrits qu'il a pu recenser, mais qu'il n'a pas produit, et puis en fait, après, il avoue que c'était ses propres fantasmes. Donc, ça montre qu'il y a déjà une dimension profondément cathartique dans ce recueil, qu'on retrouve chez plusieurs auteurs qui illustrent ces chansons dans les années 20. J'ai pu recenser et consulter la production de 6 auteurs qui sont majoritairement des hommes. Donc, outre les hommes, il y a la production de Jeanne Mamet et la production de Maria Tolidis, qui est a priori une femme hétérosexuelle. Et donc, on voit que Donc oui, ces productions, c'est à peu près sensiblement contemporain au dessin de Mamène. Et donc on voit que, même si ce n'est pas systématique, chez des auteurs masculins, la nudité est absolument omniprésente. C'est le cas notamment chez Sylvain Sauvage, dont vous avez l'image juste ici. Et donc, en fait, chez lui, les illustrations sont toujours régies par une forme de traitement érotique décontextualisé. Dans Le vieillard et les nymphes, on est sur un poème qui donc relate le souvenir d'un vieillard aveugle qui se souviendrait d'avoir vu des nymphes qui étaient debout dans l'eau, qui étaient plusieurs. Et puis, en fait, finalement, il s'émancipe de tout ce contexte pour produire un nu extrêmement lascif, décontextualisé, avec un regard très menaçant, qui concentre en fait cette idée de femme fatale au tournant du siècle et de lesbienne à la fois très attirante, menaçante, objet de fantasme, mais également de dégoût. Donc finalement, voilà, en isolant la figure représentée, en la plaçant hors de l'eau, il se dispense complètement du contexte au profit de l'expression d'un fantasme. Cette nudité est partagée par d'autres contemporains de Mamène, comme Jean Berck, dont vous avez l'illustration juste à gauche, ou Mariette Lydis, même si on note quand même que chez Mariette Lydis, la nudité est peut-être moins ouvertement sexuelle et qu'on met un petit peu plus l'accent sur une relation de confiance entre les protagonistes. La nudité n'est pas omniprésente absolument partout, elle ne l'est pas chez Pierre Lissac, notamment, qui illustre donc cette scène de jalousie entre Bilitis et Mnasidika, avec deux protagonistes tout à fait vêtus. Donc, pour une fois, on est dans le contexte. Et cependant, c'est quand même intéressant de noter qu'il ne traite pas vraiment les scènes érotiques de la même façon. Donc, à gauche, vous avez une scène manifestement érotique. Donc, vous avez un passage du poème qui est retranscrit, qui est intégré à l'image. Donc, effectivement, c'est une scène sexuelle, oui, entre les personnages, qui retranscrit comme tel. Et pourtant, pour retranscrire une relation hétérosexuelle, qui est également manifestement sexuelle, les protagonistes sont tout à fait vêtus, placés dans un contexte différent. Donc on voit quand même que la relation sexuelle féminine, enfin lesbienne, concentre le fantasme et autorise un peu ces schèmes chargé du voyeurisme de l'auteur. Chez Jeanne Mamène, au contraire, la nudité, pas vraiment au contraire, mais la nudité est relativement peu convoquée, du moins elle est plus subtile. Dans les 7 illustrations qu'elle livre pour illustrer les chansons de Bilitis, les protagonistes sont tout au plus légèrement dévêtus. Elle suggère tout de même une forme de sensualité sans jamais montrer l'acte sexuel. C'est surtout finalement un moment d'affection, d'intimité qui est retranscrit, ce qui n'exclut jamais un érotisme subtil. Dans Siesta, donc, les corps sont partiellement dénudés, il y a une forme d'érotisme qui passe par la bretelle légèrement tombée sur l'épaule, par la proximité entre les amantes, il y a une forme d'intimité et de confiance qui émane de cette scène, qui témoigne d'une forme sans doute d'identification au modèle qu'elle dépeint, étant donné qu'elle connaît ses modèles, qu'elle connaît les lieux de sociabilité lesbienne et qu'elle-même a des relations lesbiennes. Et donc finalement, au fantasme de ses homologues masculins, elle substitue son expérience et son observation personnelle chargée d'une plus grande forme d'intimité. On note également une attention de Jeanne Mamène à individualiser chacune des figures qu'elle représente. Un effort complètement opposé à celui de ses homologues masculins. Donc on voit notamment chez Sylvain Sauvage que les protagonistes sont très peu individualisés, elles présentent toujours la même coupe de cheveux caractéristique, elles ont aussi les seins toujours un peu dans la même position, qu'importe la position des corps, ce qui relève de la prouesse physique. Donc on a vraiment aucune tentative d'individualisation, toujours ce regard vide d'ailleurs, et puis à la relation de confiance et finalement à l'effacement du contexte, il substitue toute une série d'allusions sexuelles, notamment le fruit défendu qu'on a ici sans trop de peine, et qui donc revient vraiment comme un schème très caractéristique de toutes ces représentations. On observe également que les corps représentés par Sylvain Sauvage, Roger Bréval ou Jean Berck sont toujours placés dans une grande frontalité, comme offert au regard du spectateur. Dans La Dormeuse, ça se fait de façon particulièrement caractéristique, donc c'est l'illustration que vous avez sur la gauche, et on voit que les corps sont donc placés dans une grande frontalité, et finalement, Bréval pousse ce dispositif à l'extrême, puisqu'il réintroduit une forme de voyeurisme avec cette silhouette vêtue, qui donc introduit une forme de domination sur le corps lascif et nu, alors que ce n'est pas du tout le cas chez Jeanne Mamen, qui offre plutôt des représentations dans lesquelles les personnages s'extraient, tentent de s'extraire du contexte alentour. On note ce partiel effacement du contexte, une forme de concentration de la scène sur le noyau, l'écran presque formé par les personnages. Et puis, dans « Am Morgen Eint », donc « Le matin », la représentation que vous avez sur la droite, les corps finalement se tournent et font dos au spectateur comme pour préserver une forme d'intimité et de relation de confiance qui donc exclut le voyeurisme potentiel. Ça crée donc une forme de fermeture et participe à l'idée d'une douceur. Finalement, en représentant ces scènes d'aspect quotidien, Jeanne Mamen témoigne d'une forme d'identification pour ses modèles, d'empathie pour les femmes qu'elle dépeint. Elle prend donc en cela le contre-pied des représentations idéalisées de ses contemporains et substitue au male gaze une expérience vécue. Donc malgré ces différences de contexte entre les chansons de Bilitis et les illustrations qu'elle livre pour les journaux, Mamen use de schèmes récurrents, se réapproprie les codes de la lesbienne qui sont diffusés par la presse, les théories et la littérature d'époque, pour suggérer la relation lesbienne sans la montrer et ainsi échapper à la censure. L'accent est toujours mis sur l'intimité, sur la relation de confiance entre les femmes qui n'exclut pas une sensualité, voire un érotisme discret. Si Jeanne Mamen est aujourd'hui plutôt connue parmi les artistes allemands de l'entre-deux-guerres, ce champ d'études présente des sources relativement inégales qui restent encore à défricher. C'est le cas notamment de deux artistes que je tenais à vous présenter quand même, Gertrude Zandmann, que vous avez sur la gauche, et Lena Schneider-Kainer, que vous avez sur la droite, qui sont donc deux artistes allemandes qui font l'objet de très peu de publications, surtout en français, et qui ont également produit des œuvres très riches et de nombreuses représentations de couples lesbiens. Il y a également un certain nombre d'expositions récentes comme Lesbisches Sehen qui se tient en 2018 au Schlossmuseum de Berlin. Et donc les commissaires font cette hypothèse très intéressante que les artistes lesbiennes connaissent les mêmes conditions de production, sont la cible des mêmes théories misogynes et lesbophobes à leur égard et qui donc ont des expériences communes qui se traduisent parfois au sein de leur œuvre. Ce sont en tout cas des discussions qui peuvent entourer ces publications et ces expositions qui sont particulièrement riches, et il ne fait sans nul doute que ce champ continuera à s'enrichir de travaux passionnants dans les années à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup Marie. Merci pour cette plongée fascinante dans la création visuelle du lesbienne du Berlin de l'entre-deux-guerres. On a hâte de te poser des questions sur tout ça. Avant le temps d'échange, on va donc accueillir une dernière intervention pour ce panel, celle d'Inès Limam. Inès Limam, après donc un mémoire de Master 1 entre Paris Cité et Sorbonne Université, sur la fluidité de genre et de parenté dans la vie de Sainte Euphrosyne Esmeralde, Inès Limam est actuellement en Master 2 d'Histoire à l'Université d'Aix-Marseille. Elle travaille sous la direction d'Arietta Papakonstantinou sur des scènes sexuelles dans quelques fabliaux du manuscrit 354 de la Bürger Bibliothèque de Berne et s'intéresse à la diffusion de ces textes, aux dynamiques de genre ainsi qu'aux normes sexuelles qui y sont en jeu. On t'écoute. Ben, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous m'entendez ? Ouais, ça marche. Du coup, le titre de ma communication est peut-être un peu pompeux. Enfin, iconographie médiévale comme artefact visuel des subjectivités lesbiennes. Mais en gros, ce que je vais vous proposer, c'est de décoder une image que je pense. Enfin, je ne vais pas totalement l'affirmer, c'est tout le but aussi de cette communication. Être un artefact, du coup, des subjectivités lesbiennes au Moyen-Âge. Et c'est l'image d'une femme qui chasse un lapin à l'arc dans un livre d'or. Et je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc en fait, c'est une iconographie. Enfin, je vais vous la montrer dès le début, c'est plus simple. Voilà. Donc c'est une iconographie qui se trouve en bas d'un folio d'un manuscrit. Donc on ne peut pas à proprement parler dire que c'est une enluminure, mais on parle plutôt dans ce cas de marginalia. Et c'est des petits dessins qui sont plutôt intéressants à analyser parce qu'en fait, ils sont vraiment pas forcément commandés, ou en tout cas, ils sont aussi un petit peu la réflexion des pensées du moine copiste, enfin du moine illustrateur plutôt, qui va les produire. Mais pour le coup, là, il s'agit d'images commandées. Mais dans un cas plus général, ça veut dire que c'est des images qui ne sont pas forcément très normées, ou en tout cas, si elles le sont, elles représentent des choses qui sont un petit peu moins normées que des images d'église ou des choses comme ça. Et donc, en fait, tout l'intérêt de cette image tient en l'anachronisme, ou en tout cas en l'erreur matérielle qui est représentée, puisqu'au Moyen-Âge, on ne chasse pas un lapin à l'arc. Et c'est à partir... donc, rien qu'à partir de cette petite phrase, on peut y voir un code de désir ou même d'actes sexuels lesbiens. Pour ça, je m'appuie sur un livre sur les images médiévales et la subversion qui a été... Est-ce que je l'ai... j'ai pas mis la référence, je suis vraiment désolée, mais voilà. C'est Gilles Bartholin, Pierre-Olivier Dittmar et Jean Jolivet, donc, qui sont plutôt des anthropologues historiques, notamment aussi en études visuelles. Qui ont trouvé une image similaire que je ne vous ai pas mis dans le diapo parce que dans l'article elle est très mal numérisée donc on ne voit rien, mais où c'est un homme qui chasse un lapin à l'arc et ils partent de cette même hypothèse de départ qui est que ça ne peut pas être vrai et que ce n'est pas une image vraisemblable, c'est une image codifiée parce que la chasse, je vais vous parler de ça un peu plus tard, au Moyen-Âge elle est très codifiée. Et elle est le fait, en gros, du roi qui est le représentant de Dieu sur Terre et qui va codifier qui peut tuer quoi, comment, en fonction de la classe sociale. Et là, notamment, c'est une femme, ce qui est d'autant plus subversif. Mais donc, le lapin n'est jamais chassé à l'arc, il est chassé au filet ou au bâton, ou avec des chiens. Et il part de cette hypothèse. Et après, ce qui est intéressant, c'est que le lapin, plus généralement, dans la figuration médiévale, qu'elle soit textuelle ou visuelle, est un code qui représente, alors c'est un petit peu difficile à définir, qui représente le con. Et le con, du coup, c'est ça qui est assez drôle parce que c'est assez ambigu. Ça peut représenter la vulve, mais pas que. Dans des contextes, ça peut aussi représenter une vulve imaginaire ou tout simplement ce qui est utilisé pour faire un acte sexuel ou même un acte déviant. Mais disons que globalement, on va traduire con par vulve et qu'on reviendra sur l'ambiguïté plus tard, comme dispositif justement de codification lesbienne. Et donc la question que je voulais poser, c'est comment on peut décoder cette image et essayer de voir si c'est bien en fait une codification lesbienne ou alors juste une codification d'un désir féminin ou alors rien du tout. Et les historiens se posent des mauvaises questions, mais en tout cas on se pose des questions. Et du coup, pour ça, je me base sur deux œuvres principales en historiographie queer, en tout cas en ce qui concerne le Moyen-Âge. Donc, Bethany Klosowska, qui a écrit Queer Love in Middle Ages, elle évoque les métaphores visuelles comme étant des traces, justement, qu'on peut analyser pour parler des subjectivités queer, en général, du passé. Et il y a Robert Mills, qui a écrit Sin, Sodomy in Middle Ages, et lui, dans son œuvre, il va vraiment utiliser les représentations, notamment des Bibles moralisées, qui sont des ouvrages, enfin qui sont des Bibles très richement illustrées, et d'autres représentations, notamment des enfers et de la condamnation de la sodomie, pour essayer de trouver les éléments d'une culture sodomique et qui soit pas sodomite et qui soit pas juste des études de condamnation, mais aussi mettre au jour des éléments positifs d'une culture partagée. Voilà. Et du coup, pour le contexte de production, donc, cette image elle vient d'un manuscrit gothique qui est rédigé dans un contexte anglo-normand. Vers 1330 à Londres, probablement dans un atelier de moines copistes. Mais comme l'auctorialité n'existe pas réellement à cette époque-là, et que si des textes peuvent être diffusés sous le nom d'auteur, il n'y a quasiment jamais l'auteur des manuscrits au sens de celui qui les a écrits. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des historiens en ce moment qui sont en train d'avoir des hypothèses sur le fait que les ordres féminins auraient pu aussi produire des manuscrits. Donc ce n'est pas forcément fait de la main d'un homme, et ça on peut le garder en tête. Et cette image, elle a été du coup créée donc, pour ce livre d'or, qui est un livre de ritualisation de la prière. Donc il y a toutes les prières du jour, quoi, globalement. C'est un petit... espèce de petits trucs qu'on garde sur soi et dont on se sert toute la journée, dédié plutôt aux familles très riches, très nobles. Et là, ça a été a priori produit dans un contexte royal. Encore une fois, les historiens ne sont pas très sûrs parce que, pour le coup, les traces d'appartenance sur les manuscrits, ils apparaissent plus tard parce qu'à l'époque, c'est des choses très précieuses qui sont faites en peau d'animaux. Donc, on évite de les annoter. Et du coup, donc, c'est dans un contexte de mariage royal, et ça aurait été commandé par une femme pour une autre femme, enfin, pour une femme entre plein de guillemets, parce que dans tous les contextes qui sont évoqués, il y en a environ 3, les femmes qui se marient ont environ 12 ans, donc plutôt des enfants. Mais ça pose la question, du coup, aussi de la transmission d'une culture féminine, entre guillemets, d'une femme à une autre, et de l'entrée dans la condition de ce que c'est être une épouse, notamment dans un contexte noble et très aisé, et où tout est très codifié. Et du coup, oui, donc je vais revenir du coup, sur ce que je vous disais, donc la chasse comme contexte historique, et je pense qu'il faut faire ce petit topo pour comprendre pourquoi cette image elle est subversive. Donc la chasse des lapins, elle s'organise dans ce qu'on appelle des garennes, donc ça vient de là, les lapins de garennes. Et en gros, les garennes, c'est des espaces qui peuvent être dans des forêts ou pas, qui appartiennent à des seigneurs, et qui sont réservés aux élites royales, sociales, les deux, sociales et royales. Et en gros, plus un seigneur a une garenne étendue, plus c'est un signe de sa puissance. Donc c'est pas, la chasse au Moyen-Âge, c'est pas juste... subvenir à ses besoins. D'ailleurs, pour les élites sociales, c'est jamais le cas. Et c'est plutôt affirmer symboliquement sa puissance. Donc, rien que le fait que ça parle d'une chasse au lapin ou au lièvre, ça dépend, c'est pareil. Ça montre en fait que le livre, il a été commandé par quelqu'un de puissant pour quelqu'un de puissant. Là, dans l'image que j'ai trouvée, j'ai pas mis la référence, mais si vous la voulez. Je peux la communiquer plus tard. On voit des femmes qui chassent le lapin, donc c'est pas si impossible historiquement que des femmes aient chassé le lapin. Mais là, on peut voir dans les représentations que c'est plutôt des femmes qui sont pas aussi nobles que celles qu'on a vues avant. Je vous expliquerai ça avec la description des vêtements. Mais en gros, ce qu'il y a avec la chasse, c'est que, par exemple, en Angleterre, il y a la loi des forêts qui dit, comme je vous l'ai dit précédemment, qui peut chasser quoi, qui peut chasser qui, quoi, ça dépend de leur vision de l'animalité à cette époque. Mais bon, qui peut chasser quel animal, avec quel objet, et il est quasiment impossible que des femmes, notamment nobles de la cour, aient pu chasser un lapin avec un arc. Et du coup, en reprenant du coup, l'hypothèse de départ que chez Dietmar, Bartholin, Jolivet, que l'arc du coup, imite une pénétration dans le vagin avec le lapin qui représenterait ce vagin, on peut se demander qu'est-ce que mime du coup, cette femme qui chasse à l'arc un lapin dans ce même contexte. Du coup, je vous propose une petite analyse visuelle. Disclaimer, je suis historienne, pas historienne de l'art, donc il y a peut-être des choses qui vont vous paraître pas très poussées ou un peu inexactes, et on pourra en parler après, justement. Mais du coup, ce qui est intéressant dans cette enluminure, enfin, dans cette marginalia, c'est la position de la femme. Donc elle est dans une position de mouvement, ce qui est aussi accentué par à la fois l'arc qui vient de finir le mouvement d'être tendu, la flèche qui va bientôt toucher le lapin. Et bon, ça c'est un peu facile, mais la position de la femme avec les deux doigts, bon, qui renvoie aussi à une iconographie très chrétienne, mais qui peut aussi renvoyer tout simplement un geste sexuel. Enfin, bien que au Moyen-Âge, le geste sexuel de la pénétration soit pas tant codé par des doigts tendus, mais inversement par un geste un peu comme ça, comme quand on prend le nez des enfants. Et ça s'appelle le geste de la figue. Donc peut-être que nous, on peut y voir un geste sexuel codé, mais c'est pas forcément le cas au Moyen-Âge. Donc ça, c'est important aussi de remettre en cause nos propres perceptions. Et du coup, il y a aussi un trouble de genre dans cette femme qui chasse. Bon, à la fois pas tant, parce qu'elle représente tous les codes de beauté hétéronormatifs du Moyen-Âge. Elle est blonde, très blanche. Elle a une poitrine qui ne se voit pas. Donc une faible poitrine, c'est le top de la mode à cette époque-là, notamment au XIVe siècle. La robe bleue, c'est intéressant parce que ça nous permet de revenir sur ces images comme des narrations et des contre-narrations dans des récits qui sont hyper normatifs, ici des livres de prière. Donc par exemple, cette image, waouh, c'est hyper pixelisé, mais cette image, elle suit une autre, les folios précédents, ils représentent une autre histoire qui est pas très clair, mais en gros, il y aurait un mariage, celle en bas, là, juste là, il y a un mariage entre deux personnes. Et c'est très ambigu parce que les deux personnes ont la même coupe de cheveux. Les deux sont blonds ou blondes, avec un teint très pâle. Bon, ça, c'est les normes de beauté. Et par exemple, dans mon mémoire de Master 1, j'avais notamment travaillé avec l'historien Clovis Maillet, qui travaille aussi sur les représentations du genre dans les enluminures, en tout cas dans la figuration médiévale, et on avait travaillé sur le fait que la juxtaposition entre deux personnes de genre opposé, lorsqu'elles contiennent les mêmes caractéristiques de genre finalement, comme une coupe de cheveux, en fait c'est un dispositif évident de trouble dans le genre. Et donc cette histoire est assez... intéressante, il y a un espèce de monstre qui essaye de voler ce qui est la femme, parce que quand on zoome mieux, on voit que la personne en bleu a une barbe, ce qui est un signe d'affirmation de la virilité, donc d'un genre masculin au Moyen-Âge. Enfin, pas que, mais notamment. Et l'histoire, ensuite, c'est qu'il y a une personne, pareil, dont le genre est très ambigu, donc ça c'est l'image en haut, qui va aussi essayer de dérober la femme à ce mari. Ce mari qui, d'ailleurs, dans cette même représentation, a la jambe surélevée et qui est très sculpté et galbé, et qui est une représentation notamment qui sert à coder l'homosexualité masculine à cette époque. Dans les marginalia, où est mis en avant notamment la sodomie et la pénétration anale. Justement, cette image, elle précède celle-ci. Et en fait, on peut voir un petit jeu de correspondance, bon, là vous voyez pas très bien, mais entre cet homme et cette femme, et donc il y a une espèce de trouble dans le genre, et cette femme pourrait être un homme et cet homme pourrait être une femme, parce qu'ils sont représentés de la même manière, et de la même façon, en fait, plus tard, donc les folios juste après, c'est des représentations qui sont hyper intéressantes, au vu de cette enluminure-là, parce qu'on retrouve la dualité de la femme qui porte une robe rouge et celle qui porte une robe bleue. Donc, bon, on peut dire tout simplement que ces couleurs s'opposent, mais aussi au Moyen-Âge, il faut le reconnaître, il n'y a pas tant de palettes de couleurs. Donc, c'est aussi, encore une fois, une hypothèse à faire et pas quelque chose à forcément affirmer. Et ici, il s'agirait plutôt de deux femmes, comme on peut le voir plus tard, parce qu'elles portent les deux un voile. Et ça représente uniquement des scènes de chasse après ce folio-là, dont je vous ai présenté. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au milieu de ces chaînes, ces scènes de chasse, il y a une image qui est un peu pas très reliée et qui est deux femmes qui s'enlacent et dont les auréoles s'enlacent également. Donc il y aurait une espèce en fait de code, encore une fois, d'un homoérotisme ou en tout cas d'une sensualité lesbienne, et dont les images sacrées au Moyen-Âge sont beaucoup emplies de cette sensualité homosexuelle. On peut observer le jeu de regard entre le lapin et la fille ou la femme, ça dépend. C'est assez intéressant parce que ça apporte aussi un regard sur justement l'intentionnalité de l'acte sexuel au Moyen-Âge. Et on pourrait croire que, c'est souvent utilisé d'ailleurs, que le consentement c'est quelque chose de très moderne et que finalement les personnes qui ne le respectent pas auraient des idéaux très moyenâgeux. Alors qu'au Moyen-Âge, le consentement est plutôt quelque chose dont on parle, notamment et quasi peut-être exclusivement dans la figuration visuelle et textuelle, par exemple dans les fabliaux, qui sont des petits récits très drôles et qui se rapprochent en fait des marginalia parce que c'est des récits en marge de la production normative littéraire de l'époque. Quand on observe les scènes sexuelles entre celles qui sont consenties ou non, celles qui sont consenties ont un vocabulaire qui est tourné autour de l'amour et de l'affectivité, et celles où le consentement n'est pas donné ou pas éclairé, le vocabulaire est empli de violence et de domination. Donc il y a vraiment une différence au Moyen-Âge entre dire oui et dire non à un acte sexuel. Et là, on peut imaginer que le jeu de regard peut aussi signifier un désir qui est intentionnel et partagé. Et donc, c'est intéressant parce que l'histoire en fait, de la sodomie, donc le crime sodomite au Moyen-Âge, c'est la masturbation, l'homosexualité féminine, l'homosexualité masculine, la bestialité, donc tout ce qui est sexualité avec des animaux. C'est le même crime et il est puni parce que, comme dans les contextes différents, bien qu'on soit bien avant, ça ne permet pas d'engendrer de nouvelles générations. Et donc, c'est sacrifier le don que Dieu a fait à l'humanité. Et il y a aussi tout un discours autour de la semence. Mais donc, c'est une histoire de cette sodomie qui est très empreinte de condamnations et de récits ecclésiastiques et ou médico-théologiques. Et c'est intéressant aussi de s'interroger sur comment les personnes, généralement queer au Moyen-Âge, mais aussi les lesbiennes, quoi, pouvaient partager des éléments d'une culture, comment elles se représentaient elles-mêmes. Donc là, par exemple, on peut s'imaginer que c'était un cadeau. Le fait que la jeune fille ait 12 ans complique les choses, mais qu'en tout cas, c'était une femme qui savait ce qu'était la sexualité féminine et qui pouvait notamment être lesbienne, qui a fait ce cadeau à cette jeune fille pour lui justement lui expliquer que d'autres sexualités existaient et que c'était nécessaire de passer par des codes pour arriver à cette transmission-là d'une culture lesbienne. Et ce qui est intéressant, c'est la subversion des rôles. Donc déjà, en fait, le lapin chassé à l'arc, c'était déjà subversif parce que c'était parler d'un acte sexuel qui n'était pas voulu par l'Église, c'est-à-dire parler du plaisir, du désir. Et là, il y a une double subversion, puisque c'est une femme qui, a priori, désigne une femme. Ça, je reviens dessus vite fait, parce que justement, quand j'ai dit que le con désigne la vulve, c'est pas forcément le cas. Par exemple, il y a un fabliau où le con désigne l'anus dans un acte qui est homosexuel. Donc, on voit bien là qu'en fait, il y a une très grande ambiguïté de la pensée médiévale sur le corps, la sexualité, notamment par les jeux d'animalisation, d'anthropomorphisation des organes sexuels. Le lapin, c'est pas le seul qui est utilisé pour coder des parties génitales. Il y a aussi le cheval, mais il y a aussi des éléments naturels comme la fontaine, la montagne ou des choses comme ça. Et donc, la pensée médiévale, par des jeux de narration et par aussi tout un système de correspondance et de métaphores, peut réussir à justement exprimer les subjectivités qui sont dominées, tout en intégrant des modèles de production qui sont totalement normatifs et aux mains des dominants, puisque c'est eux qui passent les commandes. Mais par exemple, dans le cas des fabliaux, on peut réussir à toucher une population qui n'est pas lettrée, ou en tout cas pas du tout dominante dans la société, notamment par les récitations publiques ou l'oralité qui prend une grande place. Beaucoup de gens pensent que la relecture lesbienne des images médiévales, mais de la figuration et plus généralement des artefacts du passé, en essayant, en fait, c'est ça l'hypothèse de départ, en essayant de se demander comment les personnes concernées ont pu essayer de produire des éléments d'une culture dans un contexte de domination, ça permet de faire une histoire qui ne soit pas juste une histoire qui soit Ouais, qui soit, je finis juste sur cette phrase, qui soit une histoire de la persécution et de la condamnation, mais une histoire positive. Et ça permet aussi de dire qu'il y a une culture lesbienne qui existe dans le passé, bien avant l'invention du mot lesbienne, et que c'est pas juste ce qu'on peut appeler une sexualité prémoderne, mais qu'il y a vraiment des choses qui se communiquent et qui se transmettent. Merci. Merci beaucoup Inès. Tu as ouvert des pistes de réflexion absolument passionnantes pour l'histoire de l'art médiéval et pour les possibles lectures lesbiennes de ces images. Je vais maintenant appeler toutes les participantes du panel de ce matin à revenir sur scène. Et on va donc ouvrir un temps d'échange autour de vos présentations. On a interrogé ce matin différentes modalités de visibilité des représentations lesbiennes. On a posé du XVIIe siècle au premier tiers du XXe siècle, la question cruciale qu'il y a derrière les images, c'est-à-dire pour qui elles sont faites et par qui on a envie que ces images soient vues, que ces images soient comprises. Je vais commencer par revenir sur toutes vos présentations, vous poser des questions que je vous invite éventuellement à noter, je vais amener des stylos. Vous posez des questions auxquelles vous répondrez à la fin de tous mes retours. Donc, on va reprendre dans l'ordre de passage. Je vais commencer avec toi, Natacha, et ta présentation sur les stratégies de représentation lesbienne de la reine Christine de Suède au XVIIe siècle. C'était une présentation passionnante sur un personnage qui continue de fasciner aujourd'hui, et je pense notamment au film « La reine garçon » de Mika Korismaki, sorti en 2015. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on aimerait beaucoup un pendant plus lesbian gaze de ce film. Avis aux amateuristes dans la salle. Natacha, merci encore pour ta présentation. Pour les chercheuses qui font des études lesbiennes sur des périodes antérieures au XXe siècle, on sait à quel point c'est délicat sur plein d'aspects, mais aussi c'est tellement important de mettre en lumière et faire vivre ces histoires pour rappeler à ceux qui en doutent que oui, les lesbiennes existaient avant le XXe siècle. Pardon, mais des lesbiennes qui ont pu maîtriser leur image, c'est particulièrement rare, et donc on se réjouit du travail que tu es en train de mener en thèse. C'est assez jubilatoire de savoir que des souveraines ont eu la main sur leur image et ont pu la modeler selon leurs intentions. Par exemple, dans le portrait de David Beck que tu nous as montré, elle a tout d'une butch qui a enfilé une robe blanche pour faire passer le message de « je ne suis pas intéressée par le mariage, laissez-moi tranquille ». Et à ce titre, je me demandais quelle était la vocation de ces portraits que tu nous as montrés. Est-ce qu'ils étaient destinés à être vus par la cour ou bien avaient-ils une circulation plus large? Si tu pourras nous répondre, ça nous permettra de comprendre à qui elle s'adressait en fait dans la construction de cette image singulière et comment cette image pouvait circuler. Donc je vais continuer mon tour de table, si vous voulez bien, et vous répondrez après dans l'ordre que vous voulez et vous répondrez aux questions que vous voulez. Je passe donc maintenant à Nolwenn. Nolwenn, tu nous as parlé de symboles lesbiens qui ont circulé entre les œuvres d'un petit groupe de lesbiennes, artistes et femmes de lettres qui évoluaient à Paris au début du XXe siècle. Ton analyse de ces œuvres met en lumière l'existence d'un réseau de sociabilité amoureuse, amicale et artistique, et aussi la façon dont cette communauté a existé pour elle-même à l'aide d'un tissu de codes visuels symboliques qu'elle partageait. Tu parles aussi de la recréation d'une mythologie proprement lesbienne. La question que j'aimerais te poser concerne également la circulation de ces œuvres. J'ai l'impression que tu nous as montré un corpus d'œuvres qui n'avait pas vocation forcément à être vu par un grand public, hein, à part l'étoile de la gravure de Marie Laurencin, mais sinon c'est des photographies qui, j'ai l'impression, circulaient dans un contexte plus intime. Et donc je me demandais à ce titre quelle postérité pouvait avoir en fait ces motifs, cette réappropriation de motifs lesbiens. Et est-ce que tu sais si notamment le motif du lys comme symbole lesbien et queer a été repris ailleurs ou plus tardivement? Donc je me tourne maintenant vers Marie. Tu nous as parlé de l'illustratrice Jeanne Mamen qui opérait à Berlin dans l'entre-deux-guerres et des représentations lesbiennes qu'elle proposait pour des périodiques de l'époque, mais aussi pour illustrer les chansons de Bilitis, donc ce recueil pseudo-lesbien de Pierre Louis. Ta présentation soulevait des enjeux liés à la visibilité ou à la visualité de l'expression lesbienne. Et donc, comme pour les autres présentations de ce panel, la question est à qui s'adressent ces images et par qui est-ce qu'on a envie qu'elles soient comprises. C'est donc tout l'enjeu de ce panel. Donc c'était fascinant de voir comment des hommes ont pu hétérosexualiser des images qui sont tellement explicites pour un public de lesbiennes, en leur donnant des titres supposés détourner l'attention. Et plus globalement, comment on ne voit que ce qu'on a envie de voir. Et le couple de femmes, historiquement, il échappe à la possibilité d'une relation amoureuse ou homosexuelle. Ça met le doigt sur un enjeu qui est au cœur des études lesbiennes et des études queer en général. En voyant les images que tu nous as montrées, on a l'impression que Jeanne Mamène disposait quand même d'une certaine liberté dans la composition de ces images. On a bien compris que les titres, c'était pas ça, mais en termes de composition, quand même, ça avait l'air d'être plutôt libre pour elle. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette question vis-à-vis du contexte berlinois de l'entre-deux-guerres ? Malgré l'ambiance homophobe que tu nous as décrite, est-ce que c'était aussi, comme à Paris, un moment où une contre-culture lesbienne a pu naître et se développer en marge de la répression ? Ou est-ce que Jeanne Mamène a juste fait en sorte de passer entre les mailles de la censure ? Je me tourne enfin vers Inès. Inès, tu as osé un parti pris audacieux et c'est exactement comme ça qu'on avait imaginé cette journée d'études, comme quelque chose d'à la fois exigeant mais qui autorise aussi plus d'expérimentation que ce à quoi on est habitué à l'université. En tant que néo-médiéviste, je trouvais audacieux et séduisant la perspective d'une subjectivité lesbienne dans l'image médiévale, puisque la question de la subjectivité des minorités est justement un problème dans l'historiographie médiévale. On a du mal à retrouver des récits à la première personne de tout un tas de populations, et notamment donc, dans les études trans et queer, c'est une vraie question. Mais finalement, tu as réussi à ouvrir une brèche passionnante qui mérite vraiment d'être approfondie. Aussi, j'ai trouvé ton parti pris d'un hyper-focus sur une image stimulant intellectuellement. Et ce que j'aurais aimé te demander, donc c'était bien de voir un peu la mise en contexte quand même de cette image avec les images qui précèdent et qui suivent, et qui, enfin, ça fait complètement sens, ça va complètement dans ta direction. Mais je me demandais, cette image spécifiquement de chasse, elle s'insère dans quelle partie du livre, c'est-à-dire quel est le texte qui l'entoure et qui l'accompagne ? Qu'est-ce qu'elle est supposée venir illustrer ou commenter ? Voilà, donc maintenant je vous laisse répondre dans l'ordre qui vous plaît et ensuite on fera circuler un micro dans la salle pour que vous puissiez aussi poser vos questions. On peut refaire dans l'ordre si ça vous rassure d'abord. J'y vais alors. Du coup, la vocation des images que j'ai montrées, alors il y a un peu de tout. Donc dans le cas de Beck, où elle ressemble vraiment à une butch déguisée, c'est une image hyper contrainte. Donc c'est une image du couronnement, donc qui est produite plus ou moins à son initiative, mais aussi à celle du gouvernement, pour présenter une image officielle de Christine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où elle prend la mainmise sur sa représentation, c'est là que Minerve apparaît, et ensuite l'image de la reine philosophe. Donc dès qu'elle a la mainmise, c'est elle qui change cette image. Et cette image-là, ces images-là, dans le cas de celle que j'ai montrée, c'est des images qui sont pour le gouvernement, qui sont pour la cour, qui sont des images officielles. Donc c'est vraiment, il y a une revendication qui est claire, elle se montre publiquement comme ça. Pour les images un peu plus tardives que je n'ai pas analysées de Wolfgang Einbar, où on la voit avec sa tenue toute noire, enfin là c'est vraiment, c'est aussi une image qu'elle envoie, qu'elle veut envoyer à la cour de Suède, parce qu'elle a appris que, bon, il y a toute une histoire où elle a fait pour pouvoir abdiquer, elle a fait de son cousin son héritier, elle a décidé qu'il devenait son enfant pour qu'il puisse lui succéder, et lui il va mourir, et quand elle va apprendre ça, elle va se dire ben, go, j'y retourne, je vais devenir reine, et elle envoie cette image, elle fait envoyer ce tableau là pour dire moi je suis prête, je suis toujours là, j'ai été reine, je peux le redevenir. Bon, bien sûr ça n'a pas fonctionné, parce qu'à la cour de Suède tout le monde était saoulé par son comportement, mais c'est des images où elle se met en scène, et c'est une vocation, sa vocation publique, quoi. Et pour le portrait équestre également, c'est un portrait qu'elle fait envoyer à la cour d'Espagne pour le roi Philippe IV, parce qu'elle est déjà en train, elle est toujours reine de Suède, mais elle est déjà en train de briguer le trône de Naples. Donc, comme il y a des alliances à l'époque, enfin entre l'Espagne, enfin bon, il y a tout un truc, elle présente ce projet, enfin présente ce tableau pour dire, ben moi en fait j'ai complètement les épaules pour avoir ce nouveau poste. Mais non, voilà, c'est vraiment, enfin là j'ai montré spécifiquement des images qui ont une vocation publique. Après il y a plein d'autres images un peu plus confidentielles, la représentation où elle est en Diane avec Ebaspar, ça c'est un cadeau que lui fait un de ses favoris. Donc c'est vraiment un objet personnel du quotidien, de l'intime, mais il y a vraiment plein de choses, et Christine n'a pas toujours été en mesure de maîtriser son image. Moi je vous ai montré des images qu'elle a créées, qu'elle a pensées, mais tout ça, ça a donné naissance à plein d'autres images et de caricatures qui ont complètement dévoyé le sens, qui ont donné une autre image de sa personnalité. Du coup, sur la question de la circulation des œuvres de Barnet, Vivien et Laurencin, c'est une question que je me pose en fait et que j'aimerais vraiment approfondir. Après, il y a quand même des hypothèses intéressante. Enfin, c'est aussi pour ça que j'ai voulu montrer des caricatures, parce qu'il y a quand même un ruissellement en fait, dans la culture collective d'Ulysse, et comme métaphore sexuelle, et surtout comme évocation lesbienne, même si dans la culture dominante, ça en devient quelque chose de plutôt lesbophobe. Mais je trouvais ça intéressant de faire dialoguer les images lesbiennes dans ce contexte-là. Et en fait, Nathalie Barnet, Renée Vivien, elles sont assez moqueuses en fait, de l'imaginaire dominant qui comprend qu'à moitié en fait, justement le symbolisme qu'elles elles produisent. Et du coup, il y a vraiment un jeu entre le voilé, le dévoilé, le in, le out. Et ça devient une vraie esthétique en fait, de jeu et de subversion. Et du coup, c'est quelque chose qu'il faut vraiment creuser, je pense, cette circulation d'œuvres. Après, il y a d'autres photographies que je n'ai pas montrées où elles se prennent en photo nues dans la campagne. Et là, je pense que pour le coup, ça n'a pas du tout circulé. C'était vraiment des photographies de l'intime et des objets qui étaient vraiment porteurs de leurs désirs, de leurs amours, et qui contribuaient à leurs relations aussi. Mais voilà, il y a d'autres œuvres où elles se mettent vraiment en scène. Et là, du coup, je pense que peut-être l'intention était un peu plus à sortir du cadre de l'intime. Mais voilà, c'est encore à creuser. Je ne sais pas si ça répond à la question. Sur la question de la censure, c'était bien ça l'enjeu. L'homosexualité féminine à l'époque, elle n'est pas pénalement répréhensible, alors que l'homosexualité masculine l'est. Il y a plusieurs débats dans cette période de l'entre-deux-guerres où il est question de potentiellement la pénaliser. Finalement, ça ne voit pas le jour. Mais la censure est active et vraiment réelle. Le périodique que je vous ai montré tout à l'heure, donc Leben der Frauen et Die Freundin, Die Freundin se fait censurer pendant un an. Garçon, qui est un autre périodique de la même époque également. Donc il y a vraiment une censure quand même qui est active. D'ailleurs, pour Bilitis, la maison d'édition pour laquelle Jeanne Mamène produit ses illustrations se fera également censurer pour un autre recueil érotique avec à un moment des scènes homosexuelles. Donc il y a quand même vraiment cette menace qui pèse et cette nécessité de trouver des codes un peu alternatifs. Oui, voilà. Après, ce n'est pas le seul corpus de relations, d'images qui montrent des relations lesbiennes. Au contraire, il y a notamment Les femmes lesbiennes de Berlin, qui est un recueil écrit par Margaret Rolig en 1928, pour lequel Mamène produit un certain nombre d'illustrations également. De la même façon, qui joue avec tous ces codes. On parlait du lys, mais il y avait également, en tout cas pour les lesbiennes berlinoises, le lila. C'était vraiment un code super important qui leur permettait, donc avec d'autres codes, vraiment de contourner cette censure et, comme on le disait, de s'adresser aux personnes choisies. Oui, et moi, pour répondre à ta question, je ne peux pas tellement y répondre de manière très sûre. Parce qu'en fait, c'est un manuscrit qui est conservé en Angleterre et dont la numérisation était mise en place sur le site de la British Library, et ils se sont fait hacker en 2023, je crois. Et du coup, plus aucun manuscrit médiéval et d'autres périodes. Enfin, je crois qu'il y a que les contemporains, enfin que les choses qui ont été archivées de manière contemporaine qui sont dessus. Mais il y a des sites, en fait ça marche un peu comme en France où par exemple il y a Biblissima pour les images de manuscrits et la BNF Gallica pour les manuscrits en entier. Du coup il y avait un site avec les enluminures de ce manuscrit, mais il n'y a pas le texte qui correspond. Du coup on a des parties de texte parce que ça a été découpé un peu de manière anarchique. Mais j'avais regardé en prenant les structures des livres d'or à peu près à l'époque et en fait, en essayant d'aller sur l'archive internet du coup de la British Library, où j'ai pu un peu regarder du coup le sommaire qu'ils avaient fait, qui était quand même pour le coup un sommaire très sommaire. Et du coup, a priori, ça correspondait. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les images, elles ont des narrations qui correspondent pas à la structure des livres d'or. Donc il y a des images qui sont entre deux prières différentes. Mais là, il me semblait que c'était pour la prière du Saint-Esprit, qui est une prière dédiée aux actions qu'a fait le Saint-Esprit dans la Bible. du coup, et je ne saurais pas trop comment l'analyser, c'est en partie pourquoi j'en ai pas parlé, notamment parce que je ne suis pas très sûre que ce soit ça. Et en même temps, y a la chose un peu facile de le Saint-Esprit, c'est un esprit matériel, on représente des choses qui sont subversives. Bon. Mais je ne suis pas convaincue de cette explication, donc c'est une mini hypothèse. Okay. Prochaine étape, c'est de te faire financer un voyage à Londres pour pouvoir consulter le manuscrit du coup. Merci beaucoup. Du coup, on va faire circuler un micro. Donc, s'il y a des personnes qui aimeraient revenir sur ce que vous avez entendu ce matin, ou bien poser des questions aux intervenantes qui sont là, sentez-vous libre. N'ayez pas peur. Oui, on a une question ici. Ok, merci. Déjà, je voulais toutes vous remercier pour vos présentations qui étaient toutes passionnantes. Et moi, j'aurais une question pour Natacha. Et notamment sur la réception des images de Christine de Suède. Tu as parlé au début de ta présentation du fait que son père a pu faire abroger la loi salique. Mais est-ce que la simple performativité d'un genre masculin a suffi à affirmer sa légitimité, ou est-ce qu'elle a été confrontée tout au long de son règne à une forme de remise en question de son autorité parce qu'elle était une femme? Ou est-ce que c'est une reine qui était assez... Enfin, quelle était sa popularité, et est-ce que la question de son genre féminin a été souvent un objet de remise en question de son pouvoir? Eh bien, merci beaucoup pour cette question, pour ces questions. Alors, la réception des images, de ces images, en fait, ça fluctue. En tout cas, à partir du moment où son père en a fait son héritier, ça a été complètement accepté. Parce que déjà, Gustave Adolphe, il avait une popularité énorme. C'était vraiment, on l'appelait le Lion du Nord, donc c'était vraiment l'image du souverain soldat, et il incarnait en fait le monarque idéal. Donc, quand il a décidé que sa fille allait lui succéder, c'était acté, c'était accepté. Et finalement, donc elle a reçu une éducation de garçon, mais elle n'avait pas, dans les faits, tant besoin de surperformer son genre. Et c'est ça finalement qui a posé un problème, parce qu'elle, elle a reçu une éducation de garçon dans le sens où, à l'époque, il n'y a pas d'éducation de fille, à part on va vous apprendre à coudre et à bien vous tenir. Mais elle a été éduquée en matière politique, historique, elle a appris à faire de l'équitation. Enfin, ça, c'est ce qu'on appelle une éducation d'homme, juste parce qu'elle a été préparée à être active et à être vivante dans un monde, quoi. Et à partir de là, elle n'avait pas besoin de plus. Tous les attributs classiques pour montrer, légitimer un pouvoir, pour dire j'ai transcendé mon genre et du coup je suis en capacité de régner. Il y a plein de moyens classiques qui permettaient ça sans qu'il y ait ce besoin de surperformer. Donc ça, au départ, quand elle était souveraine, ça a été plutôt accepté parce que c'était un peu dans l'idée... Christine, elle est un peu spéciale, elle est comme ça, mais c'est une souveraine, et en fait, ça avait un but, en fait. C'était complètement justifié, et c'est le moment de l'abdication qui a marqué une rupture, où, quand elle a continué à être ce qu'elle était, à être hyper androgyne, et à pas convenir, et à pas rentrer dans un moule féminin, là, on a commencé à se dire, c'est un peu bizarre, pourquoi elle continue à se comporter comme un homme, pourquoi elle continue à s'habiller de manière aussi androgyne, alors qu'elle n'a plus de fonction de responsabilité royale. Là, ça a commencé à poser un problème. Mais avant, pas tant. Après, il y avait une autre question. Du coup, remise de question de son pouvoir, non, il n'y en avait pas. Elle a vraiment été... elle a été vraiment acceptée, et même quand elle a présenté sa décision d'abdiquer, le gouvernement ne comprenait pas, parce que tout se passait bien, elle venait de mettre fin à une guerre qui avait duré 30 ans et qui avait ravagé toute l'Europe du Nord. Donc il y avait vraiment cette incompréhension de dire, mais en fait, elle est l'héritière du Lion du Nord, donc en fait, les étoiles sont alignées pour qu'elle soit elle aussi une très grande souveraine, pourquoi arrêter maintenant? Donc non, la question de sa légitimité, de son pouvoir n'a jamais été remise en cause. Et dernière question, je me souviens, et remise en cause de son genre, eh ben, à partir du moment de l'abdication. Là, il y a vraiment eu des pamphlets, surtout français, parce que bon, comme elle s'est convertie au catholicisme, elle s'est donc rapprochée de la papauté, et les Français voyaient ça d'un très mauvais œil. À partir de ce moment-là, il y a toute une littérature pamphlétaire satirique qui s'est mise en place et qui va commencer à attaquer très précisément son genre, son corps surtout, et qui va dire, mais... pourquoi cet homme, il y a beaucoup de, on l'appelle un je ne sais quoi, parce qu'ils ne savent pas très bien si elle est homme ou femme. Et là, la question va vraiment se poser, de remettre en question et d'essayer de comprendre pourquoi il y a cette androgynie chez elle, mais parce que ça s'inscrit dans un cadre où, comme elle n'a plus de pouvoir, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a la persistance de cette performativité-là. Ça marche, oui. Déjà, merci beaucoup pour ces présentations, c'était vraiment très intéressant. Et j'ai une question concernant le symbole du lys. Est-ce qu'il réapparaît passé cette période sur laquelle tu travailles, dans par exemple le milieu militant ou des périodes... Enfin, est-ce que tu as travaillé sur la réception de ce symbole plus tard? Parce que j'ai l'impression qu'effectivement, nous, on est plus au courant du symbole de la violette et, du coup, ou des lilas. Et du coup, je me demandais si tu avais travaillé là-dessus. Pardon. oui, oui. Bah, en fait, c'est pour ça que je voulais le présenter. C'est que j'ai l'impression qu'il est absolument inconnu aujourd'hui. Enfin, moi, le peu que j'ai pu en parler, il n'y avait vraiment pas de résonance. Par contre, c'est intéressant. Moi, j'aimerais bien creuser cette question-là dans la contemporanéité parce qu'il y a quand même des ruissellements. Là aussi, j'ai l'impression. Camille Sler, qui a fait sa thèse sur la poésie de René Vivien, elle parle de transmission par strates. Et elle, par exemple, elle voit en fait des résonances entre l'œuvre de Wittig et de Vivien, mais sans qu'il y ait de lien explicite, en tout cas relationnel, entre elles, enfin de fait. Mais du coup, ça pose cette question-là, et c'est vrai que, enfin, il y a beaucoup de symboles, même je pense aux sirènes, par exemple, qui sont réemployés, mais je suis pas sûre que ça soit de manière consciemment historicisée. Je pense que c'est plutôt Enfin, j'ai trouvé super intéressante qu'on évoque, je crois que c'est toi qui l'as présenté, cette idée de domination commune qui du coup produit des symbolismes aussi ou des images qui se ressemblent. Et je pense que là, il s'agit un peu de la même chose. Et par exemple, Laurencin, elle l'a beaucoup repris, le lys, mais plutôt dans les années de mémoire 30, 40, 50. Là, je ne suis pas sûre de l'information que je donne, mais elle l'a repris quand même pas mal. Je pense notamment à une peinture où elle désigne en fait la fleur de lys. Et donc si on part du principe que c'est une métaphore du sexe, c'est super intéressant parce qu'elle elle subvertit là aussi encore une fois l'iconographie mariale. Voilà, mais après j'ai l'impression aussi qu'elle travaille beaucoup avec des associations d'idées. Par exemple, j'ai pas forcément trop passé de temps dessus, mais la colombe chez Laurencin va reprendre les mêmes symboles, enfin les mêmes significations que le lys. Et de fait, voilà, il y a des formes un peu similaires qui travaillent aussi les œuvres et qui, enfin voilà. Mais après, j'ai pas l'impression que ce soit un symbole qui a été repris aujourd'hui dans les milieux militants. En tout cas, je l'ai pas croisé. Et moi, c'est plutôt la surprise que je reçois quand je présente ce symbole-là. Et c'est pour ça que je voulais vous le partager aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu. Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces interventions. C'est plutôt une question / réflexion par rapport au lys, parce que dans la culture japonaise, le yuri, c'est le style de manga du coup japonais lesbien, mais c'est aussi le mot qui désigne la fleur de lys blanche. Et du coup, est-ce que dans tes réflexions, parce que tu parles de contemporanéité, est-ce que le symbole est repris aujourd'hui dans les images contemporaines? Du coup, tu t'appuies plutôt sur quelque chose de local à la France, ou tu... Enfin, et est-ce que tu sais si lien il y a, et s'il y a, comment le lien a pu se faire entre ces diverses cultures à travers le même symbole qu'est la fleur? Je ne sais pas si c'est très clair. Si, si. Alors moi, dans ma réponse que j'ai donnée précédemment, c'était vraiment plutôt centré sur la France, ou en tout cas sur l'Occident, juste parce que c'est les œuvres que j'ai pu noter. Mais je pense que ce serait super de poser la question à une autre échelle, et merci beaucoup de cette précieuse information. Et c'est d'autant plus intéressant que, par exemple, René Vivien, elle a voyagé au Japon, par exemple, et elle a repris aussi des contes. Alors, je ne sais pas quel est le lien entre le lys et ça, mais ça peut être des questions qui peuvent se poser complètement. Et je reviens encore sur cette production d'images qui se fait dans des conditions d'oppression, et je pense que ça pose la question justement de récits communs, malgré le fait que... Enfin, je pense que là, les œuvres dépassent la question des relations intrapersonnelles, Et de fait, ce serait super intéressant de creuser tout ça. J'espère que là aussi, j'ai répondu à ta question. Merci encore à vous quatre pour ces super présentations. C'est vraiment hyper réjouissant. Moi, j'ai une question pour toi, Marie. Parce que donc, les œuvres qu'on a vues, c'était surtout des œuvres qui avaient vocation à être montrées au sein de la presse. Et donc, qui s'adressaient à plusieurs lectorats. Enfin, oui, plusieurs lectorats, que ce soit un lectorat hétéro ou du coup, dans le sous-texte lesbien. Et du coup, je me demandais en fait si tu avais eu accès à des images de Jeanne Mamène qui n'avaient pas été destinées à être imprimées. Si tu avais pu avoir accès, je ne sais pas, à un fonds d'archives qui, miraculeusement, existerait toujours. Et si, du coup, si oui, tu y as eu accès, est-ce qu'il y a une, d'autres formes de représentation de l'érotisme et pas de l'hétérosexualité? Et voilà, du coup, c'est ma question. Et merci encore à vous quatre. Alors, il y a un fonds d'archives auquel je n'ai pas pu accéder pour des contingences matérielles de CA Berlin. Mais il y aurait sans doute pas mal de choses, oui. Alors, j'évoquais tout à l'heure les femmes lesbiennes de Berlin, donc le recueil de reliques, pour lequel Mamène produit un certain nombre d'illustrations, et on sent quand même qu'il y a une certaine propension à aller plus loin dans les symboles. Donc on garde ces différents symboles, donc la coupe très garçonne, l'habillement masculin, etc. Mais un peu de la même façon que l'illustration avec Vous avez de très belles mains, qui était pour moi une des choses les plus sensuelles qu'elle ait produite, on a beaucoup plus ce type de rapport. On a des connexions physiques qui sont peut-être, oui c'est ça, plus explicites. Et puis, il y a aussi certaines illustrations qu'elle peut publier dans d'autres contextes. Je pense à une sur laquelle je ne suis pas vraiment revenue, mais elle produit aussi des scènes où elle montre l'intérieur de clubs berlinois. Et c'est des choses où peut-être que la peur de la censure ne s'exprime pas de la même façon, puisque on s'ancre aussi dans une forme de tourisme. Au moment où Berlin est la capitale vraiment de l'homosexualité et de cette transgression, ça reste en fait un cadre un peu plus acceptable. Après, pour Bilitis, finalement, ça n'a pas été publié, donc on peut penser que la censure s'est moins appliquée, dans le sens où elle a produit des choses qui potentiellement ne seraient peut-être pas passées, peut-être que si, mais oui, mais donc finalement, en fait, dans cette production qui n'est pas destinée à la presse, on sent vraiment qu'il y a beaucoup plus ce lien d'intimité manifeste et plus tangible. Voilà. N'hésitez pas. Oui, voilà, des fois, il faut juste relancer la dynamique. Alors, moi, c'est une question, vraiment question. Donc, voilà, j'ouvre la question. c'est pour toi, Inès. Alors, j'ai plus l'image en tête, mais il me semble qu'il y a une boule entre le lapin et la femme, ou la jeune fille. Est-ce que c'est une trace d'usure, ou alors c'est une boule à considérer dans cette image allégorique? Et est-ce que, bon, après, comme tu as répondu, t'as pas pu voir le texte, mais considérant que c'est un manuscrit religieux, est-ce que ce serait pas un peu, et pas donc un manuscrit d'art courtois? Est-ce que ce ne serait pas plutôt une allégorie de la foi chrétienne ou je ne sais pas, je titille, voilà. En fait le trou, c'est pas un trou dans le manuscrit, c'est le trou du taré du lapin et c'est souvent représenté comme ça dans les garennes, enfin du coup dans les endroits où les lapins étaient élevés puis chassés. En revanche, du coup on peut s'interroger sur ce que ce trou représente. Je pense pas que ce soit anodin qu'il soit là. Enfin, je veux dire, ils auraient pu représenter le lapin qui soit pas devant le terrier. Et dans les fabliaux, qui sont hyper utiles parce que du coup, tu peux avoir des analyses sémantiques de comment on désigne les parties sexuelles, à la fois de manière métaphorique mais aussi explicite. Le mot trou, il est associé à l'anus. Donc, on peut se demander si c'est une représentation d'un anus dans un contexte sexuel. Oui, et trou, c'est représente l'anus dans le contexte sexuel uniquement. Et on peut aussi se poser la question, parce que derrière le lapin, il y a ce monticule qui représente le terrier, et il y a un arbre qui est fixement, qui est juste au-dessus. Et encore une fois, les fabliaux nous aident, parce que le clitoris des femmes dans les actes sexuels sont représentés soit par... des cours d'eau ou alors par des espèces de petits monts ou des arbrisseaux ou des choses comme ça. Du coup, ça pourrait être en fait une triple répartition des organes génitaux qui seraient représentés. Mais bon, ça c'est de l'ordre de l'hypothèse et c'est si on accepte de prendre les fabliaux comme trace de subjectivité pour effectivement un texte qui est religieux, mais pour des illustrations qui ne le sont pas. Et c'est une bonne question de est-ce que ça représente ou pas quelque chose qui est lié à la foi ? Oui et non. Enfin, ça pourrait. En fait, c'est qu'il y a des images dans ce manuscrit qui sont explicitement reliées à la foi, qui sont plus tard dans le manuscrit, donc je ne les ai pas montrées, mais qui représentent des scènes de la Bible. Donc, moi, je pense, enfin, je n'affirme pas que c'est l'image d'une lesbienne et d'un désir lesbien. Je pense qu'il y a tous les éléments d'une codification qui existe à cette période pour qu'on puisse interpréter comme ça. Mais en revanche, je pense vraiment pas que ce soit la représentation. Enfin, toutes les caractéristiques de cette image ne vont pas vers la représentation de la foi. Enfin, il y aurait d'autres formes de le montrer, sachant que ça a été montré explicitement avant et après cette image-là. Donc, réponse mi-figue mi-raisin, mais voilà. On peut prendre une dernière question avant de faire la pause. Donc c'est le moment, si jamais il y a une dernière question. Oui. Oui, moi, pardon, c'est par rapport au symbole d'Ulysse. Je me demandais s'il y avait d'autres symboles de la virginité chez Nathalie Clifford Barnet ou René Vivian qui pouvaient aussi être analysés comme porteurs d'une métaphore sexuelle. Puisque c'est, j'apporte pas du tout ça du côté des représentations iconographiques, mais du côté de la littérature, puisque quand j'avais lu La Dame à la Louve ou Une femme m'a paru, j'avais eu l'impression que les symboles de virginité étaient tellement présents qu'ils annulaient presque, enfin que la sexualité lesbienne était tellement associée à la virginité qu'elle en était presque annulée ou reléguée dans un non-dit ou un creux du texte. Et donc c'est vrai que, enfin, j'avais pas du tout conscience que ça pouvait être des métaphores sexuelles. Donc je suis assez curieuse de savoir s'il y en a d'autres. Et j'ai une autre question, toujours par rapport au Lys, c'est si, donc, et toujours par rapport au retournement du stigmate de la virginité, s'il y avait des textes qui avaient fait date ou qui avaient été particulièrement relégués et qui associaient explicitement le lesbianisme à une virginité pernicieuse, que je pourrais lire pour continuer là-dessus. Merci. Alors pour les références, je vais peut-être commencer par là. Là, en tête, je ne les ai pas, mais par contre, je les ai toutes avec moi, si tu veux. Et celle qui a beaucoup étudié ça en littérature, de fait, c'est Nicole Albert, qui a écrit « Saphisme et décadence », je crois que c'est 2005, la date de l'ouvrage. Mais je peux te redonner ça à l'écrit, sans souci. Et de fait, elle expose, enfin, je crois qu'elle a tout un chapitre dessus, voire ça traverse son étude. Et elle expose, enfin, elle cite vraiment beaucoup de textes, dont ceux de Vivien, dont ceux de Barnet, mais aussi des textes du coup de l'imaginaire dominant, où justement, enfin, de mémoire, on parle de vierge impure, de vierge souillée après l'acharnement des féminités, etc. Donc c'est vraiment, enfin, j'avais pas le temps de tout présenter, mais c'est vraiment un lieu commun en fait, qui est vraiment très haineux, si je puis dire, envers justement cette sexualité qui a le culot de se passer d'homme, quoi. Donc voilà, ça c'est pour la réponse à la deuxième question. Et après, concernant l'annulation du symbolisme sexuel, c'est ça. En fait, on peut se poser la question parce que y a notamment Camille Sler, justement, qui évoque l'hypothèse de la parodie. Parce que justement dans l'œuvre de Vivien, il y a une saturation de tous les codes en fait lesbiens de l'époque, et cette saturation là pose la question de la parodie, de l'outrance et de l'extrême, et de fait ça pose la question de l'annulation. Après, je pense qu'il y a, enfin, elle l'évoque aussi, mais je la rejoins, il y a à la fois une remise en question et une parodie, et en même temps il y a une identification et un retournement du stigmate. Et c'est là aussi où je trouve cette fin de siècle, elle est intéressante parce que elle est multiple. Et en fait, là, dans la réponse que je te fais, qui est contradictoire, elles troublent aussi justement les lectures des symboles. Et ça, c'est très propre à la fin de siècle, mais elle se l'approprie vraiment de manière queer, je pense, par rapport à ça. Et concernant ta question sur les autres symboles En fait, il y en a plein. après, y en a vraiment beaucoup, mais elles vont vraiment reprendre la mythologie des nymphes, par exemple, des bacchantes. Pardon, je réfléchis. Mais si tu veux, on pourra en parler vraiment après. Mais pareil, elles reprennent aussi les codes. Enfin, elles jouent beaucoup avec les codes de la royauté. Elles vont traverser un petit peu le spectre du genre en questionnant là aussi justement les rôles de genre via soit des figures de reines féminines, éplorées, etc., en les subvertissant à chaque fois de toute façon. Et en même temps, elles vont jouer aussi sur les codes de domination plutôt associés aux chevaliers, aux rois, etc. Voilà. Pareil, les bacchantes, c'est aussi un mythe qui a été associé au lesbianisme et qu'elles vont reprendre aussi. Et du coup, c'est passionnant parce que justement, elles stratifient tout et tout devient syncrétique, quoi. Elles mélangent toutes les influences, ce qui peut perdre un peu et ce qui peut... aussi paraître assez vertigineux parce que justement en fait elles en mêlent plein de symboles, plein de récits, plein de mythologies et moi c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé par typologie pour essayer de dénouer tout ça et de montrer que justement il y a des circulations de signification et de forme aussi de symboles. J'espère que ça répond à ta question. Merci beaucoup, c'est la fin de ce premier panel.